tell you that I'm over it. Cause I think about it every night, I'm not sobering. I know I keep these feelings to myself, like I don't need nobody else. But you're not the only one on my mind. If I Vachement bien, hein, le nouveau Chainsmokers. Il s'appelle Honest, c'est sur leur album Memories Do Not Open. Pour terminer le Before Party Fun, ce soir JB, je voulais absolument faire découvrir le nouveau Chainsmokers à la France ce soir. Prochain rendez-vous demain, 19h-20h, et puis mercredi ouais. Adrien recevra Major Lazer en mix dans le Before Party Fun. Ce sera à 19h, il est 20h, c'est l'heure de retrouver Doc, Karel, oui. Alice. Salut. Bonsoir à tous. Pour Love in Fun. Je voulais féliciter Adrien, c'était mémorable quand même cette soirée au Sable de Hier soir, c'était incroyable. Mais... on a vu les images sur les réseaux sociaux, vous attendiez 10 000 personnes. Ouais, en fait c'est ça, c'est-à-dire que si tu veux, ils avaient prévu une scène et donc des barrières pour 7 000 personnes, et d'un coup il y a eu 45 000 personnes. Jusqu'à 50 000 personnes. On a une petite pensée pour la rangée du fond. Voilà. Je pense que là, il y avait masse monde. Quand vraiment. J'étais sur scène, je demandais aux gens tout au fond de la plage de crier. On ne les entendait même pas. C'était incroyable. Vraiment, allez voir sur les réseaux sociaux de Fun Radio les photos parce qu'elles sont dingues. Ouais, franchement, n'hésitez pas. Merci beaucoup, les copains. Merci. Bisous, et bonne soirée. Et nous, on est parti. On attaque Love in Fun. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01-42-48-5000 Love in Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, salut tout le monde, bienvenue sur Fun Radio. On est J-3 avant la dernière émission, avant les vacances, dernière émission de la fin de saison. Là, ça passe trop vite. On est tellement content d'être avec vous tous les soirs. C'est un vrai kiff de vous retrouver du dimanche au jeudi, 20h-22h. Le numéro de téléphone pour passer à l'antenne. On fait de la libre antenne tous les soirs avec vous tous, vous toutes. 01-42-48-5000. Je m'appelle Karel. Salut à toutes et à tous. Bonsoir Doki. Oui. Ça va Doc? Bah oui. Ouais, oui, mais je vais bien. Oui. Il n'y a pas un seul jour où il ne va pas bien Doc. J'ai pas, oui, mais non, c'est con d'aller mal, non? Ah oui, carrément. Quand on a de la chance dans la vie. La positive. La chance, non, mais c'est vrai, j'ai eu de la chance. J'ai la chance de faire des études, j'ai la chance d'avoir un métier qui me plaît. J'ai eu beaucoup de chance. Bah bravo. C'est bien de s'en rendre compte, t'as raison. Hein. Ouais, mais bon, je me suis donné les moyens d'avoir de la chance, mais j'ai quand même eu de la chance. Il y en a qui ont moins de chance que moi. Eh ben, j'adore. Petit message du Doc, croyez en vous-même, c'est important. Et donnez-vous les moyens de votre réussite. Un petit peu beaucoup, oui. Ah, elle s'est donné les moyens d'être belle. En tout cas, ce soir, je peux vous le dire, c'est Alice. Salut, enfin. Après un message comme ça peut que aller. Oui, je vais bien, je suis positive, je suis très heureuse. Eh bien, nous sommes tous positifs. C'est toujours comme ça, toi. Cassim est positif. Non, moi, je suis con. Bah oui, mais c'est malgré tout. Il y en a toujours un dans la bande, hein. C'est ça. Le vilain petit canard. Qu'est-ce que t'es négatif. Ta gueule. Sans Ça fait plaisir. Et Cindy, Guillaume, alors, plus positif, tu meurs. Ah, non, mais vraiment. Ça va, les amis? Ouais, super. Okay. Ah, ils sont beaux. Qu'est-ce que vous allez où, l'autre fragile? Et notre fragile, il était à un mariage ce week-end. Et j'ai l'impression que c'est le mariage le plus long de l'univers. C'est lui qui s'est peut-être marié. Il revient mercredi. Si tout va bien, on t'embrasse, Geoff, qui nous écoute tous les soirs, en tout cas. Ça fait plaisir. On a notre auditeur du soir, Jérémy, qui a fait de la radio avec nous pendant 2 heures. Bonsoir, Jérémy. Ça va, l'équipe? Salut. Ça va bien. Jérémy, t'as 15 ans, t'es à la balle. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir dans l'émission? Eh ben, écoute, je vais réagir pour le sujet, puis on va passer une bonne soirée ensemble jusqu'à 22h. Ah, voilà. Et l'autre, c'est un animateur radio, quoi. Et on va passer une super soirée jusqu'à 22h. Il a 15 ans, mais il a bien la patate. Qu'est-ce qu'on écoutera, Jérémy, dans l'émission ce soir? Moi, ça me ferait kiffer d'écouter Hugo Blaine. Ah, voilà. Tes vœux sont exaucés. Ça, c'est Hugo Blaine. À découvrir si vous connaissez pas encore. Hein. Il y aura aussi le nouveau Black M avec Sopra. Frérot. Et l'un des sons que je kiffe le plus en ce moment, David Guetta, Justin Bieber, To You sur Fun Radio. Ça va être l'un des tubes de cet été. T'es d'accord avec moi ou pas, Jérémy? Ouais, mais grave, il est super bien. Eh ben, je te félicite. Bravo à toi. On va accueillir Nicolas. Nicolas, 17 ans de Paris, au 01 42 48 5000. Premier auditeur là de ce soir qui vient de nous appeler au standard. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Salut Doc, salut Charles, salut. Salut. Salut à toi. Raconte-nous pourquoi tu nous appelles. Alors en gros, moi je vous appelle ce soir, j'ai eu un petit problème qui m'est arrivé hier. Ouais. En gros, genre ma sœur, elle a des magazines, c'est un peu people, d'actualité et tout ça. Ouais. Et dedans, il y avait un poster de Katy Perry, je sais pas si tu vois. Ah bah oui. Katy Perry quoi. Ah oui, ouais, voilà. Là, ça va. Et, en gros, bon genre, elle avait son exactement. Et elle avait un grand poster, tu vois. Et en fait, moi, j'ai trouvé plutôt genre le poster, je trouvais stylé. Et j'ai eu une idée. C'était en fait de faire un trou dedans. Oui. Et genre de masturber en fait avec le poster, tu vois. Et le trou, tu l'as fait où? Oui. Comment? Tu l'as fait où le trou? Bah, il n'y a pas trop de doute, quoi. C'était là où c'était le mieux. Enfin, ah, et dis la vérité, tu l'as fait où le trou? Sur l'arrêt, si tu veux. Eh hey mec, mais t'es un malade mec. Donc d'accord, donc on imagine que t'as une feuille de papier contre toi, parce qu'on va avoir les pieds sur tête, t'as une feuille de papier contre toi. De l'autre côté, t'as ta main qui passe derrière le papier, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. Après, là, j'ai voulu simuler, essayer un truc, quoi. T'es avec ta feuille, tu te pougnes, et qu'est-ce qui se passe? Et moi j'ai voulu essayer ça pour kiffer, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as la feuille de papier devant toi. Mais tu peux te couper en plus. Oui, ah en oui, plus carrément. Non, mais il y a quelqu'un? T'as eu des spectateurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est juste moi. Je me suis dit pourquoi pas tester et oui, compris, j'ai fait ça pour eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi tu nous appelles? Et alors, mais du coup, je termine. Et donc, en fait, le problème, c'est que quand j'ai fait le truc, donc j'étais dans ma chambre. Mmh. En fait, d'un coup, ma mère, elle est rentrée et elle a crié, en fait. Ah bah oui. Et il y a eu un énorme malaise, mais genre vraiment, bah. Genre elle m'a vu, elle m'a fixé comme ça. Ah. Moi j'étais hyper gêné, tout bien. En plus la position elle était vraiment en ma défaveur. Et pourquoi t'étais dans quelle position? Bah avec un poster entre les jambes quoi. Ouais. Oui voilà, et avec voilà avec mon truc dedans quoi, tu vois. Ouais, change de pays mec. Oh là là. Et alors donc elle a hurlé, ça vient d'accord. Elle vraiment au début elle a rien dit, enfin elle était genre choquée, elle est restée bloquée pendant 5 secondes. Bah donc oui. Après elle a fermé la porte et après quand genre je suis descendu pour les dîners et tout, elle m'a clairement dit bon écoute Guillaume là il faut vraiment que tu ailles voir un psy, faut vraiment que tu ailles faire quelque chose parce que mais c'est pas possible. Non, achète lui un poster de Johnny Hallyday, qu'elle se donne un peu de. Déjà, je vais noter une première anomalie. Tu étais bien dans ta chambre. Oui, voilà, exactement. On ne pénètre pas dans la chambre d'un adolescent sans frapper à la porte. Ça, c'est la première étape. Et ouais, toi, tu fermes. Voilà. Tu vas apprendre à tourner la clé. Ah, il faut apprendre à fermer sa porte. Voilà. Et ça, c'est la première étape. J'ai pas les clés, quoi. Non, parce que. Mais t'en trouves une. Après, que tu fasses ça, personne n'est au courant. Écoute, je veux dire, moi, je vois qu'ils font pas, des trucs chelous. Hein. Voilà, t'as 17 ans en plus. Voilà, je pense que je peux parler à ta mère, lui expliquer que la masturbation chez l'adolescent n'est pas considérée comme une pathologie psychiatrique. Ah bah, tant mieux, hein, parce que. Non, mais après, je pense que c'est à cause elle du poster. Il faut que t'ailles voir un psy, parce que tu peux pas faire un truc comme ça. Il y a un problème, il y a un truc qui va pas chez toi. Je pense que non, ça fait partie de ce qu'on appelle la machine à fantasmes. Je dirais même que je te donnerais un petit plus par rapport à ceux qui, assez simplement, se mettent un film de boule à bon compte et se masturbent avec une excitation importante. Mmh. Toi, au moins, t'as eu un peu d'imagination. Ah, bah voilà. T'as mis en place un petit scénario. T'as une bonne note. Masturbatoire. Ouais, voilà, bon, il faut que maman comprenne. T'as une bonne note de la part de Doc au niveau de ta masturbation. Bravo, Nicolas. Bravo. Mais sauf que la discrétion, c'est essentiel. Ah oui. Des choses comme ça, c'est très... Voilà, très intime et personne ne doit rentrer. Ouais, ouais. Exactement. Non, mais parce qu'il y en a qui se masturbent aussi avec des chaussettes, des trucs comme ça, qui s'étranglent aussi, j'ai vu ça. Et d'ailleurs, il y a eu un accident. Alors, ça c'est vieux, c'est très vieux. C'était en fait effectivement utilisé même dans des circonstances assez dramatiques. Strangulation. Mec qui s'étrangle en se masturbant et ça lui donne du plaisir. Oui. Et mec est mort. Il paraît que Landru, qui en a assassiné 8 comme ça, au moment de l'orgasme, les étranglait. Et les filles ressentent, vous savez pas qui est Landru, mais c'est pas grave, il y en a bien un ou deux qui va savoir. Serial killer. Oui, exactement. Et donc, effectivement, il peut y avoir, par strangulation, une accentuation de l'orgasme. Mm. Bah écoute, mais Nicolas, ce n'est pas du tout conseillé, car effectivement le corollaire c'est l'accident définitif. Bien sûr, faites pas ça, faites pas les cons, ne le faites pas à la maison. Nicolas, t'es normal et pour ta mère, ça va passer, t'inquiète pas. Hein ouais, j'espère, parce que là c'est quand même très malaisant. T'es dit, va t'en cours. Non mais franchement, alors si c'est un truc qui vous est déjà arrivé, c'est-à-dire de vous faire gauler, genre pendant que vous êtes en train de vous masturber ou en train de faire l'amour, n'hésitez pas à nous appeler. Hein. 01 42 48 5000. Généralement, c'est le pire moment de solitude de toute ta life. On a Augustin qui est avec nous, 13 ans de Reims. Salut Augustin. Salut. Salut Doc, salut Karel, salut Alice. Salut Augustin. Tu nous appelles pour quoi toi? Parce que la bine de mon cousin penche du côté droit. Est-ce normal? Est-ce normal? Parce qu'il va regarder la verge de son cousin. Venez, venez représenter la team du milieu, la team droite, la team gauche. Allez-y, hein. N'hésitez pas. Ah bah, il y en a tous, voilà, on pense tous plus d'un côté que de l'autre. On va en parler d'ici quelques minutes. Et on va écouter Kaigo, Ellie Goulding, First Time, à tout de suite. Réagissez à l'émission sur Twitter, hashtag LovinFun. Pour la fin de saison et bien commencer l'été, j'avais envie de me ressourcer avec la famille Fun Radio. Au calme, tranquille, posé, quoi. Non, je déconne. Je vous emmène à Ibiza, les amis. Merci la famille. Dès jeudi, toute l'équipe de Bruno dans la radio, JB et Adrien Thomas s'installent à Ibiza avec vous. On va passer deux jours de fou, on va pas dormir. Et les plus grands DJs. David Guetta, Martin Salveil, Dimitri Vegas et Like Mike, Henri PFR et plein d'autres surprises. Ce qui se passera à Ibiza ne restera pas à Ibiza. Faut le faire une fois dans sa vie. Fun Radio, en direct d'Ibiza, c'est jeudi. Et en vidéo sur funradio.fr. Vous m'avez manqué. Ma voiture, c'était comme mon bureau. Je répondais à mes clients, je regardais mes mails, je passais ma vie sur la route et ça roulait. Sauf qu'un jour, quelqu'un a freiné devant moi. Je regardais mon portable et j'ai pas eu le temps de réagir. Aujourd'hui, mon corps ne me permet plus de travailler. Ma femme a arrêté tout ce qui lui tenait à cœur, pour moi. Elle tient le coup, mais pour combien de temps? Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Nouveau message urgent de Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, le forfait BNU 20 gigas est à seulement 1,99€ par mois pendant un an. Waouh ! 1,99€ pour 20 gigas ? Oui, mais seulement jusqu'au 27 juin. Vite, j'y vais. Profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20 gigas à seulement 1,99€ par mois pendant un an, puis 24,99€. C'est seulement jusqu'au 27 juin, alors rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Les meilleurs DJ de la planète vous donnent rendez-vous les 13, 14 et 15 juillet pour l'Electro Beach 2017 avec Fun Radio. Electro Beach. Cashmere. David Guetta. Armin Van Buren. Yellow Claw. Don Diablo. Martin Solveig. Nervo. Et bien d'autres. Réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur electrobeach.com et funradio.fr. Make some noise! L'Electro Beach 2017, les 13, 14 et 15 juillet à Port Barcarès, c'est avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Electro Beach. La ventilation de ma voiture dégage une odeur désagréable. Votre filtre d'habitacle est probablement encrassé. Il faut le changer. Qui va me faire ça pour un prix raisonnable? Il est très simple et très économique de le changer soi-même. Oscaro.com vous donne accès à toutes les références de filtres jusqu'à deux fois moins cher. Eh bien, je me lance. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Fun Radio présente la Paris Games Week by Coca-Cola. Venez découvrir en avant-première les jeux vidéo les plus attendus de cette fin d'année. Here we go! Réservez vos billets dès maintenant sur www.parisgamesweek.com. Et rendez-vous du 1er au 5 novembre à Paris Expo, porte de Versailles. La Paris Games Week, le salon français du jeu vidéo. Avec Fun Radio. Ce super bon plan KFC du mardi. 13 tenders pour seulement 6,95€. Je pourrais partager avec Ben ou Amélie. Ou pas. Ouais, plutôt pas même. Tous les mardis chez KFC, 13 tenders pour seulement 6,95€. À partager ou pas. Pour votre santé, évitez de grignoter. Soche présente. Chérie, j'arrive enfin à prononcer Soche. D'accord, c'est très bien ma chérie, mais essaie de dire c'est super cette promo chez Soche. C'est super cette... C'est super cette promo Soche. Comment? Jusqu'au 26 juin, profitez du forfait 40 gigas à 9,99€ par mois pendant un an, puis 24,99€ par mois avec le code SUPER. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Rendez-vous sur soche.fr. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur soche.fr. 20h, 22h. Love in Fun sur Fun Radio. Si vous venez de débarquer, vous êtes tous les bienvenus. On se fait plaisir en cette dernière semaine de Love in Fun avant les vacances. On va se réécouter les meilleurs défis Fallait pas demander de l'année. Rendez-vous tout à l'heure, aux alentours de 21h. On se fera un bon gros défi comme on les aime. Et en attendant, on écoute Kaigo, Ellie Goulding. Running on the red lights. The middle finger was a peace sign. Yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I'd do it all again. Getting drunk on the train track. Way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I'd do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, green stacks on the playback. I'd do it all again. Oh. We were lovers on a wild ride, speeding for the finish line, coming to the end of our time, yeah. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. Our love was something they could admire, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I do. Drunk on the train track. Way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I'd do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, three stacks on the playback. I'd do it all again. Oh. Kaigo est une artiste super cool qui était déjà passée à la radio et franchement elle avait été adorable. Ellie Goulding, c'était First Time sur Fun Radio. 20h, 22h, du sexe, de l'amour et du fun. Sur Fun Radio. Et si on ouvrait quelques snaps? Hein? Ah oui. Allez, on ouvre des snaps, bien sûr, sur le Snapchat de l'émission Love in Fun Radio. On se calme. Alors, il y a beaucoup de snaps, hein. Tous les soirs, vous êtes très nombreux à nous envoyer des petits snaps. Ajoutez-nous Love in Fun Radio, tout attaché. Un petit snap de Mel qui nous dit à l'écoute de Love in Fun. Salut tout le monde. C'est Melvin du Finistère. Forza BZH. C'est un breton, ça fait plaisir. Grimpeur qui nous envoie une petite photo. Qui se fait une petite, je sais pas, une petite côtelette, j'ai l'impression, en écoutant Love in Fun. Wesh Karel, vous allez bien? C'est Jean qui nous envoie un message. Moi, non, je suis obligé d'aller au collège demain juste pour récupérer un papier et je me barre aussitôt. Un bon courage à toi, en tout cas. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal là, qui sont en vacances, hein, plus besoin d'aller au bahut. Est-ce que c'est possible de sortir avec lui? Alice nous demande Lulu. Bah oui, le temps d'un verre, pourquoi pas? Non, mais je pense pas qu'il veuille seulement un verre. Eh bah écoute, déjà un verre, pourquoi pas? Bah voilà, et commençons par un verre. Il y a Arthur qui nous dit bonsoir l'équipe, j'aimerais savoir s'il y avait possibilité de venir assister à l'émission ce soir. Eh ben viens. Bah cours. Bah viens, cours. Ah mais c'est Arthur, il est là. Ah il est là. Ah mais Arthur, il est derrière. Il est arrivé. Tu te présentes même pas quand tu débarques aussi Arthur, on ne sait pas, t'as ramené les chocobons ou pas? Non d'accord, voilà, pas eu le temps, donc tu dégages. Allez, alors salut, on va accueillir, on va accueillir avec nous Augustin, il a 13 ans, il est de Reims, bonsoir Augustin. Salut l'équipe. Salut Augustin, alors qu'est-ce qui se passe? Moi, le pénis de mon cousin penche du côté droit quand il est en érection. Oh, mais je voulais juste savoir, tu l'as vu? Enfin, non, en fait, il me fait « Oh, Augustin, regarde, je lui fais quoi ?» Il me fait enfin, « En fait, il regarde son pantalon et moi, je lui fais « Ah, oh, bah t'es chelou, toi, me montrer ça. » Ah bah oui, surtout qu'il bandait en plus, non? Ouais, il bandait. Ah ouais, non mais là, il y a des questions à se poser, là, peut-être. C'est une inclinaison assez classique de quelques degrés, non, mais attends, donc, liée à une caractéristique anatomique avec une petite inégalité au niveau de la longueur de certaines structures de la verge. qui fait qu'effectivement, en érection, eh bien, ça penche d'un côté plus que d'un autre, ce qui ne gêne absolument pas les relations sexuelles. Ouais, et ton cousin, il n'a pas 45 ans, j'espère hein. Non, il a 13 ans. Ah oui, ça va. Ah, parce que t'imagines, j'ai mon grand-oncle Michel qui m'a montré sa teub et penché à gauche. Hein? Non, mais voilà, tout va bien. Moi, je penche à gauche. Et toi, okay. Alice? Ben, moi, écoute, non, c'est plutôt. Par les temps qui courent, il n'y a pas beaucoup de gens mais qui penchent fois, à gauche. Mais je tombais sur quelqu'un et qui avait vraiment le pénis qui penchait de ouf. Oui. Et je pensais pas que j'allais autant le ressentir et j'avais presque mal d'un côté à l'intérieur. Ah ouais? Ah ouais, ouais. De ce côté-là où il y avait ce frottement. En pénétration, quoi. Oui. Ah ouais, c'est possible ça. Genre, Doc, on. Ben, il frottait trop une paroi. On frotte sur un quoi. Côté, quoi. Je pense qu'il ne savait pas s'en servir. C'est oh, ça va. Mais du coup, si tu te tournes en même temps, tu peux faire le tour. Bah, fallait changer de position, tu vois. Une fois sur le dos, une fois sur le ventre pour que ça frotte pas le même côté tout le temps. Et toi, Augustin, tu penches à droite ou à gauche? À gauche. À gauche. Eh ben voilà. Pourquoi il y en a plus qui penchent à gauche qu'à droite, Doc? C'est le seul endroit où on penche à gauche. Bon. Non, mais voilà. Tu sais que moi, pendant des années. Non, mais c'est simplement une caractéristique. C'est comme le testicule gauche qui est plus bas que le droit. Ah, c'est ça. Et c'est au repos. Et c'est extrêmement banal. Ce qui fait que certains pensent qu'il est plus gros, mais souvent, la plupart du temps, c'est pas le cas. Moi, je pensais, quand j'étais petit, comme toi, Augustin, enfin, 13 ans, quoi, t'es plus petit, mais bon, quand même, ouais. Que c'était à cause de la branlette. Genre, je me masturbais de la main droite, donc du coup, ça penchait à gauche. Et du coup, t'as changé de main? Ah bah, carrément, je voulais la redresser et tout. Parce que on perd des centimètres avec cette affaire. Hein. Jérémy, tu penches à droite ou à gauche, toi? Moi, je penche à gauche, mais ça dérange pas Katoche, donc ça va. Ah, la femme du Doc, voilà. Et on nous demande sur les réseaux sociaux si on peut mettre une attelle pour redresser sa teub, Doc. Non, ça sert à rien, c'est ridicule. Ah, voilà, donc pas d'attelle, les amis. Non, mais il faudrait vraiment une grosse déformation pour accéder à un geste chirurgical. D'accord. De grâce, non. Mais bon, c'est possible, ça, une déformation, genre une teub en spirale, un truc un peu chelou. Oui, bien sûr qu'il peut y avoir des anomalies anatomiques du pénis, ça existe. Parfois trop petit, avec des. Une postpédias, le canal qui se met pas au bon endroit, des choses comme ça. Voilà, des verges mal foutues, oui, ça existe et ça se répare. C'est pas toujours facile. Mais il y a même des personnes qui ont deux glands. Oui, c'est ça, oui. Non, je t'assure. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Sur non, c'est un furoncle en général. Non, mais après, c'est un truc dégueulasse. Tu peux avoir une bifidité du gland, oui, ouais. C'est possible. D'accord. Et est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un sur Terre qui a eu deux verges? Ou deux clitoris, moi, ça m'intéresse. Doc. Oui, mais en général, la deuxième, c'était pas eux. Ok. On n'en dit pas plus. Il est que 20h22, hein, les amis. Hein. Allez, on attaque fort. Tout ça, c'est de ta faute, Augustin. Hein? Hein? Et tu sais quoi, ton cousin fait gaffe, hein. D'accord? Ouais. Hein? On sait jamais, hein, des fois que. Mais il est pas tranquille. Ouais, non, tu montes pas ta top comme ça, quoi. Salut à toi, Augustin. Salut. Salut, poteau. Salut. Et on va prendre des nouvelles, vous le savez, là, toute cette semaine. On prend de vos nouvelles et parfois même, bah voilà, des auditeurs qui sont passés en début de saison. Et c'est vrai que le 19 septembre 2016, on se souvient tous, enfin pas du tout, mais c'était Thomas qui était passé à l'antenne. Par contre, on se souvient bien de ce qui s'était passé. Bonsoir Thomas. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut à toi Thomas, t'es à Toulouse toi, tu nous avais appelé pourquoi à l'époque? Eh ben voilà, en fait j'avais besoin de votre aide pour retrouver une fille que j'avais croisée en boîte de nuit. Exactement. Ah oui. Ah ouais, ouais. C'était dingue. C'était énorme, on va réécouter ce moment-là et puis surtout on va savoir qu'est-ce qui s'est passé après, quelques mois plus tard. Voici Uko, Blind sur Fun Radio, Love in Fun. Blind sur Fun Radio. 20h, 22h. Love in Fun sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio, le numéro pour nous appeler. Et c'est gratuit, hein. N'hésitez pas, on vous rappelle derrière en plus. 01 42 48 5000. On va retrouver Thomas, 22 ans de Toulouse, qui nous avait appelé dans l'appel à l'aide. C'était l'un des premiers appels à l'aide de la saison, hein. C'est ça Thomas, hein? Tout à fait, c'est ça. Tout Salut l'équipe. Et oui, retour en arrière, 19 septembre 2016. Ah. Souvenez-vous, Thomas était venu sur Fun Radio pour dire quoi en fait, Thomas? Qu'est-ce que tu voulais toi? Ben voilà, moi en fait j'avais besoin de votre aide pour retrouver une fille que j'avais croisée en boîte de nuit et avec qui j'avais flashé quoi. Exactement, donc c'est exactement ce que tu nous avais dit à l'antenne. Ah oui, oui, et puis t'es parti en catastrophe parce que t'as eu un ennui, un copain qui a été malade, c'est pas ça? Tout à fait ça. Quel mémoire, mon meilleur ami. Oui. Non mais ce mec, sans déconner. De... Non, non, mais je me souviens, du coup la fille elle avait pas pigé. Bon, ça on va la réécouter. Ah bah, on va réécouter, t'as raison Doc, et surtout on va commencer à entendre quand quelqu'un nous avait appelé au standard. Parce que tu avais fait ta petite annonce, là, je recherche cette fameuse jeune fille, et quelqu'un nous avait appelé. On n'en dit pas plus, on réécoute, et derrière, tu nous diras qu'est-ce qui s'est passé quelques mois après. Écoutez. Thomas, on a une bonne nouvelle pour toi. Ah, c'est quoi? Bah, cette jeune fille dont tu nous as parlé, eh bien, ouais. Quelqu'un nous a appelé ce soir. Je ne sais pas si c'est elle, on va la découvrir en direct. Bonsoir. Invité mystère, salut. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Alison. Ah, Alison, donc tu n'es pas la fameuse Julie? Non, mais je la connais. Ah ouais? Ah. Terrible! Vas-y, raconte. Bah, c'est ma copine et j'étais avec elle samedi soir. Ok, et donc t'as vu Thomas? Ouais, Thomas... bah oui, elle m'a laissé comme une merde, puis elle est partie avec. Bah, il est comment Thomas, pour être sûr? J'ai pas bien vu, c'était dans le noir, tu sais, donc... Oui. Elle n'ose pas dire qu'il est pas... Il était si moche que ça? Non, franchement, je te jure, j'ai pas fait gaffe, elle est partie et d'accord. Voilà. T'es sûr que c'était lui? Oh bah forcément, c'est obligé. Je te présente Thomas. Allez Thomas. Enchanté. Enchanté. Bonsoir. Alors, je suis pas moche de nature. Hein. Non mais on a personne. Je suis pas moche de nature. Personne n'a dit que t'étais moche. Hein. Alors Thomas, mène ton enquête là. Non mais bah, voilà, en fait, j'ai flashé sur ta pote. Voilà, je sais qu'elle s'appelle Julie. Je suis parti précipitamment et j'ai pas demandé son 06. Et j'aimerais beaucoup la revoir, voilà, parce que je sens qu'il s'est passé quelque chose entre elle et moi, et j'ai pas envie de passer à côté, quoi. Ouais, donc, bah, si tu peux au moins m'aider. Laisse-la parler maintenant. Je pense que de son côté aussi, parce que j'ai entendu parler de toi, donc. Ah, hey, est-ce qu'on a un petit numéro de téléphone? Ah, c'est trop on peut l'appeler, là. Ah, qu'on l'appelle. Trop bien. Alison, tu peux nous filer son numéro, là? Oh, bah oui. On l'a déjà, ça c'est incroyable. Cool. Oh, quelle équipe. Ah, c'est Guillaume fou, l'a récupéré. T'as Guillaume, il y avait pensé. Oh là là. On appelle. C'est énorme. C'est trop fin. Thomas, tu lui parles. D'accord? Ouais, vas-y. On appelle Julie. J'espère qu'elle est bonne. T'es avec un autre mec. Allô? Allô, Julie? Allô? Oui, allô? Oui? Oui, c'est Thomas. On s'est rencontrés samedi soir au Zoom Club à Toulouse. Ah, Thomas, oui, je me souviens. Oui, oui, ben on s'est embrassé tout ça, toi et moi. Donc tu peux que te souvenir. Oh oui, exact, je me souviens. Mais d'ailleurs, t'es parti très très vite. Hein. On n'a pas eu le temps de pouvoir discuter, s'échanger de numéro ni quoi que ce soit d'ailleurs, de mémoire. Voilà, ouais, parce que j'ai mon pote qui était malade en fait, et j'ai dû partir précipitamment. Ouais, mais salut, je suis le pote. Ouais, ça va Julie? Mais oui, ça va et toi? Salut, ouais, on t'appelle avec Thomas parce qu'en fait, tous les deux, on t'a trouvé super mignonne. En fait, on voulait savoir si tu voulais faire une partouze le week-end prochain. Après une petite soirée au Zoom Club. Mais qu'est-ce qu'il est con. Non, mais attends. Je vais te dire. T'es en direct sur Fun Radio et c'est Karel qui adore foutre le bordel. Pas du tout. Et... Blague ou... Mais non, c'est pas une blague. T'es en direct sur Fun Radio. Ça, je t'assure que c'est vrai. Ça, c'est vrai. T'es dans l'émission Love in Fun. D'accord. Et en fait. Devant tout le monde, en fait. Oui, bah oui, enfin, c'est pour une belle histoire. Et Thomas était complètement malheureux. Il savait plus quoi faire parce qu'en fait, il savait pas où tu étais, il voulait te retrouver, donc il nous a appelé. D'accord. On a passé un appel et c'est ta copine qui écoutait, qui a dit mais je sais. Quelle c'est. Copine? Ah ben, Alison. Elle est partante pour la partouze. D'accord. Elle est partante. Donc, s'il n'avait pas appelé la radio, ben, il t'aurait jamais retrouvé. Alors, c'est ça. Julie, maintenant qu'on t'a dit toute la vérité, rien que la vérité, est-ce que Thomas t'avait tapé dans l'œil au Zoom Club? Franchement, oui. J'avais peur qu'elle dise sauf que moi j'ai un baiser. Non, non, mais on a échangé un baiser. Le truc, c'est qu'il est parti, vite fait. Et le problème, c'est que j'avais rien. Et ça, c'est énorme. Ce que tu viens de nous dire, c'est énorme. C'est-à-dire que Thomas nous a dit ouais, j'ai pécho Julie. Et toi, tu lui dis on a échangé un baiser. Tu vois, mais c'est la différence entre les mecs et les filles. J'ai pécho. Plus bleu, nous. Julie, est-ce que tu es contente d'avoir des nouvelles de Thomas ce soir? Franchement, oui, parce que je me posais des questions et je savais pas trop. J'en parlais justement avec ma pote et voilà. Et je trouvais ça dommage et je me suis dit, bah peut-être que si jamais je retourne en boîte, je le reverrai. Et ben voilà. Puis ben là, du coup, non, c'est cool. Je suis contente. Et bah ça y est, tu l'as retrouvé. On va les laisser aux antennes pour qu'ils puissent échanger leur vrai téléphone. Bien sûr. Sinon, bah bien sûr. Ça va repartir. Ils vont rappeler pour dire qu'ils sont perdus. Thomas, Julie, est-ce que vous acceptez de prendre vos coordonnées téléphoniques? Mais tout à fait. Moi, oui. Tout à fait. C'est trop cool. Thomas, tu dis tout à fait. Julie est d'accord. Eh ben, on vous souhaite beaucoup d'amour à tous les deux. Continuez de nous faire rêver. Et si jamais vous en avez un enfant un jour, appelez le doc. Ouais. Merci, Lovinson. Il aura une belle vie, vous verrez. Et une grosse bite. Gros bisous, merci à vous. Bisous à vous. Gros bisous. Salut Julie, salut Thomas. Salut. Merci Alison, c'est la copine qui a filé le numéro. Grave, c'est Alison qui écoutait l'émission. Alison. Oui. Tu veux un cadeau? Demande-moi ce que tu veux. Oh ben, pas Clovin Fun, tant qu'à faire. Demande un iPhone 7. Vraiment, t'es passé à côté du gros lot, toi. Hein. Hein, je te le dis tout de suite. Hein. Alison, tu reviens quand tu veux, on t'envoie le pack Clovin Fun. Merci, ma chérie. Et ça, c'était au mois de septembre. Et on est de retour avec Thomas, quelques mois plus tard. Hein. Alors, Thomas. Ouais. On a hâte que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps avec la fameuse Julie. Eh bien, en vrai, ça fait bizarre de re-entendre tout ça. Tu m'étonnes. Nous aussi, ça fait bizarre. Eh bien, en fait, ça fait 9 mois dès qu'on est ensemble, Julie et moi. D'accord. Voilà, on s'est revus une semaine plus tard après l'appel sur Fun Radio. Ouais. Et donc, on a discuté, on s'est fait un restaurant et la suite, tu la connais, quoi. Eh bien, un couple love in fun, quoi. C'est grâce à vous. C'est beau. Et on embrasse tous les couples Love in Fun qui se sont faits. Il y en a. Ah ouais, notamment sur le Facebook de l'émission. Hein. Ouais, il y en a plein qui se répondent dans les commentaires et finalement ça match. Eh ben exactement. Et Thomas, donc si t'as une copine là en ce moment, c'est grâce à nous. C'est tout à fait ça. C'est grâce à à l'appel que j'ai fait sur Fun Radio, grâce à toi, le doc, Alice. Enfin voilà. C'est surtout grâce à la copine qui écoutait. Putain. Et c'est surtout Alison qui a écouté ce soir-là et qui m'a un peu sauvé. Et puis depuis 9 mois, je vis un pur bonheur. Et est-ce que le petit doc est né? Le petit doc n'est pas encore né, mais j'espère que ça va arriver. Oh, trop d'amour. Mais ne l'appelle pas doc quand même. Non. Oui, parce que je suis désolé de vous faire la peine, mais je n'ai pas vraiment le moindre lien dans cette future paternité. Bah, bien sûr. Excusez-moi, je l'appelle comme ça parce que franchement, c'est déplaisant de croire que je pourrais. Non mais bien sûr Doc, bien sûr. Pauvre vieux, il était assez grand pour se débrouiller tout seul. Hein. C'était juste le prénom de l'enfant, bien sûr. Ah oui. Après j'espère qu'il aura une grosse bite, comme on a entendu. Oui. Non mais ça, on s'en fout, c'est n'importe quoi ça. Thomas, c'est très drôle en tout cas. Tu reviens quand tu veux Thomas, et on embrasse fort ta Julie alors. Eh ben merci à vous en tout cas, restez comme vous êtes, et franchement vous êtes au top. Et l'année prochaine, je serai à l'écoute aussi pour vous écouter pour une nouvelle saison. Merci beaucoup, mon Thomas. Et tu reviens quand tu veux ici. Tu seras toujours le bienvenu. Je vous fais des gros bisous. Et puis, si vous êtes du côté de Toulouse, passez. Hein. Bien sûr. Ouais. Tu payes un coup, nous, on débarque. Hein. Eh bien, vas-y. Mais pour Carrel, il faut toujours payer parce qu'il ne paye jamais, je te le dis. Même le train. Tu sais, j'ai plus besoin d'aller de le dire maintenant. Tout le monde m'offre des trucs. Et ça, c'est cool, mais, franchement. Carrel, tu sais qu'apparemment, c'est Guillaume qui paye sa tournée. Guillaume, tu t'en vas. Écoute, c'est noté, Thomas. Je t'en remercie beaucoup, en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Salut, Thomas. Salut. On parle du message de Cyril qu'on a reçu sur les réseaux sociaux. Vous savez que régulièrement, le soir, on lit vos messages à l'antenne et même pendant la journée. Et on en fait toute une histoire. C'est ça. Et j'ai parlé, en fait, avec Cyril, qui, lui, est somnambule. Et en fait, la nuit dernière, il s'est réveillé en caleçon, dans sa voiture, le moteur allumé. Donc, c'est-à-dire qu'il est. Et il a trouvé ça super dangereux. Il se demande comment se soigner et s'il y a d'autres auditeurs qui ont ce même problème également. J'ai entendu parler d'histoires de dingue avec des couteaux et tout. Parfois, t'es somnambule, tu vas dans la cuisine, tu prends. Alors, venez nous raconter. Tu ouvres la fenêtre, enfin des trucs de dingue. Oh là là. Hein. Mais la défenestration, c'est ça. Hein. C'est horrible. Putain, et ça, oui, c'est un risque. Oh là là, mais c'est un risque. Mais il paraît que quand on est somnambule, il se passe un truc comme quoi on est quand même. Enfin, on va pas non plus sauter, quoi. Ouais. Vaut mieux. Il y a des accidents possibles. Ok, d'accord. Donc ça fait flipper. N'hésitez pas à nous appeler pour venir nous raconter. 01 42 48 5000 et Black M Soprano, frérot, sur Fun Radio. Les histoires d'amitié. l'amitié ça fait mal. J'ai vu des frères y laisser leur vie au final. Oui, quand le diable s'en mêle, il dira t'es le seul à pouvoir aller au sommet. J'ai voulu soulager mon ego. Je me répète, je voulais pas faire de mal à mon frérot. On a fait les 400 coups. Tout ce qui se passe autour de moi, mes vrais gars s'en foutent. Ensemble depuis tout petit, mon cœur se resserre à l'idée qu'on est devenu ennemi. Des hommes aujourd'hui c'est plus la même, mon ami. Je suis devenu un père de famille. Mon ego, pas devant les frérots. Je voulais juste un frérot. Va faire du mal à mon frérot. Oh mon ego, dites-le moi si j'en fais trop. Devrais-je repartir à zéro? Va faire du mal à mon frérot. Frérot. Sont passées. On me dit que ta fille va bientôt rentrer au lycée. Oh, elle doit être trop belle. Connaît-elle notre histoire, nos liens fraternels? Je sais que mes rêves m'ont éloigné, mais pour toucher les étoiles faut savoir s'envoler. Oh, ça me fait de la peine quand tu penses que j'ai changé pour de l'oseille. Un vrai frère ne doute pas du cœur des frères, surtout quand il se bat pour s'en sortir. Avec tout ce qu'on a traversé, j'espère que la vie a prévu de nous réunir. Mon ego, pas devant les frères. Black M, Soprano sur Fun Radio. Tous les soirs, 20h, 22h. Love in Fun. Sur Fun Radio. Toute la soirée sur Fun Radio pour nous appeler le standard 01 42 48 5000. Robin est avec nous, il a 15 ans de Melun. Salut Robin. Salut l'équipe, ça va? Salut. Ça va bien. Robin, t'es en vacances là ou pas? Non, pas encore. T'as quoi? T'as le brevet ou pas toi? Ouais, c'est le brevet jeudi vendredi là. On parle bien dans le téléphone. Donc là, t'as le brevet là qui débarque là dans quelques jours. Exactement. Tu te sens un peu stressé ou tu te dis c'est une formalité? Non, je suis carrément stressé là. Ah ouais, non mais faut pas toi, croire. Toi t'as du retard, t'as des points de retard, ça se sent. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, Doc nous a dit que ça ne servait à rien, hein, le brevet. Hein? Un peu. Sans déconner, dites à vos parents, ouais mais Doc, Love in Fun, attends, c'est un mec il sérieux. Il a même pas son brevet, le mec. Il a pas son brevet, le mec, il s'en bat les couilles. Hein. Non mais vraiment. J'ai une chose après, je m'en fous. Bah, Robin, tu nous appelles pourquoi ce soir? Ouais, parce qu'en fait, il y a mes potes qui me trouvent chelou parce que j'adore manger des trucs crus. Des trucs genre, crus ouais. Ouais, genre une pomme de terre, genre je l'épluche, ouais. Je la mange. D'accord. J'aime bien, quoi, c'est les pâtes crues aussi. Oui, bien sûr. J'aime bien. Et quoi d'autre encore? Je sais pas, les frites surgelées crues. Mmh. Mais la viande aussi? Non, c'est bizarre. Ah mais c'est bizarre. Ouais, ça. Genre, ils mangent des frites. Genre des légumes. D'accord. Ouais. Et il y a des gens qui avaient prôné ça en disant voilà, la source de tous nos problèmes de santé, c'est de manger cru, pas cuit. Bon, enfin bref. C'est quand même globalement une vaste connerie, mais bon, peu importe. Mais cru, c'est dégueulasse, surtout, non ? Je sais pas. Alors, non, tu peux manger des légumes crus. Oui, c'est des légumes, ouais. Faut pas exagérer. Des frites surgelées, moins, non ? Je sais pas. Hein. Des frites surgelées crues, c'est pas mal. Ah ouais ? Ouais, non, c'est pas terrible. Hein. Comme glaçon, c'est top. Mais tu fais ça pour faire ton intéressant ? Non, je sais pas. Non, je kiffe. J'aime bien le goût, en fait. D'accord. Et bah, c'est ça pas. Ça change. Ouais, bah c'est pas un problème en soi. Enfin, je veux dire, c'est pas dangereux pour lui, Doc. Il peut manger n'importe quoi cru. Bah non, tout ce qui est cru, évidemment, c'est dangereux quand il s'agit par exemple de la viande qui peut être contaminée par. Oui, bah ça oui. Qu'on appelle des Escherichia coli qui sont très dangereux. Comment ? Des Escherichia ? Des Escherichia coli. Escherichia. Escherichia. Escherichia. Tu peux répéter derrière moi ? Attends, vas-y. Escherichia. Escherichia. Escherichia, il dit. Oh le con. Comme un colis. Escherichia. Colis. Escherichia. Mais vous êtes débile ou quoi ? qui déclenche des maladies rénales monumentales. Ah, des maladies rénales. Rénales. Le mec ne comprend rien. C'est ça. Dès qu'on sort du sexe, il comprend plus rien. Ah, bah, anal, enfin voilà. Alors. Et donc, la viande. Ça me parle. Il y a des risques plus importants de salmonellose et microbes aussi. Donc, il y a un risque de contamination avec les aliments crus qui sont mal conservés. Ah, j'ai clair. Eh bah oui, Romain. Donc, fais attention quand même. Tu peux pas tout manger cru. Ok, donc ça me donnerait des verres, genre. Ouais, ça, c'est vrai, ça, on peut avoir des vers et tout dans le ventre. Alors, et tout après. Maintenant, il y a un contrôle vétérinaire tel qu'il est rare d'avoir de la viande contaminée par des ténias. Mm. C'est ça dont il parle. Le vers solitaire. Le vers solitaire, voilà. C'est très rare, mais ça arrive encore. Mais alors, le vers solitaire, il y a plein de nanas qui. J'avais vu ça à un moment qui donné. Qui rêvaient de ça. Ouais, qui rêvaient d'avoir un vers solitaire dans leur estomac, ben, comme ça. Ça fait mal au bide. Ça bouffe tout, quoi, tu vois. Bah oui, ça consomme pas mal de calories. Et moi, je me suis toujours posé la question, quand t'as un ver solitaire, je veux dire, il grossit. Je veux dire, à un moment donné, t'es bien obligé d'expulser, hein, comment ça se passe? Oui, mais non, mais la tête reste, les anneaux sont expulsés. Ah les anneaux sont expulsés comme des nouilles. Mm-hmm. Ça reste près d'une nouille. D'accord. Et donc, il se régénère, et la tête, en fait, reste accrochée à la paroi intestinale par des sortes de ventouses. Oh là là, putain, quel drame. Et tant que la tête est vivante, ça grandit. Allez, oh vas-y, là vas-y. Là, putain, et c'est donc, horrible. Excusez-moi, vous déféquez des anneaux régulièrement. Voilà. Mais tu peux le faire ressortir par la bouche ou pas ? J'avais entendu ça, qu'il y avait des gens qui mettaient un bol de lait, qui paraît que c'était attiré par le truc, mais t'imagines, t'as un verre qui remonte. Ça, c'est même pas jouable. Bon, parce qu'il est accroché dans le tube digestif et qu'il va, voilà. Oh bah, il va aller là où c'est le mieux pour lui, c'est-à-dire là où l'alimentation est déjà un peu reconditionnée, prête à absorber. Dans le pack Love in Fun, on vous offre des ténias. Allez-y. 01-42-46-50. Pour être au top cet été. Ah ouais. Jérémy à Laval, notre auditeur du soir, qu'est-ce que t'en penses, toi, manger des trucs crus, là ? Ouais, moi, je trouve ça normal. Tu vois, genre, les oignons surgelés. Ouais. Oui. Bah, je fais pareil, genre, tu vois, je les suce pour qu'ils soient décongelés, après, je les croque. Bien sûr, ok. Vous n'êtes pas tranquille en ce moment. Hein. C'est l'été, là, c'est bizarre. Il fait chaud, hein. Jérémy, tu restes avec nous. Robin, toi, tu reviens quand tu veux, mais évite de bouffer tout et n'importe quoi. D'accord, Jérémy ? D'accord, Robin ? D'accord. Salut à toi, Robin. Salut. Message de Cyril, on va parler somnambulisme. Oui, c'est ça. En fait, cette nuit, il s'est réveillé en caleçon dans sa voiture avec le moteur allumé alors qu'il était genre 3h du mat. Donc, il est totalement en flip. Il se demande comment soigner ça et s'il y a d'autres personnes qui ont vécu des situations cheloues pendant leur sommeil. Vous êtes somnambule, vous connaissez quelqu'un de somnambule dans votre entourage, vous avez entendu une histoire, venez nous raconter là sur l'antenne de Fun Radio. 01 42 48 5000. On revient tout de suite avec David Guetta. Justin Bieber. Le nouveau Guetta dans 3 minutes, to you sur Fun Radio. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Fun Radio et JBL vous envoient faire la fête à Tomorrowland. Tu m'appelles pour une chose bien précise, Robin. Qu'est-ce que tu viens d'entendre sur l'antenne de Fun Radio ? Je viens d'entendre le double fun de Martin Garrix et Don Diablo et j'appelle pour les deux places pour Tomorrowland. Robin, tu pars faire la teuf au plus gros festival du monde, Tomorrowland ! Oh là là, c'est magnifique, magnifique, merci beaucoup. Ouais, c'est un rêve qui se concrétise de pouvoir y aller avec mon petit frère et tout, c'est magnifique. Je gère l'hôtel et puis je gère les accès pour faire la teuf tout le week-end, d'accord ? Ouais, ça marche. En tout cas, continue comme ça, merci beaucoup. Le double fun, uniquement sur Fun Radio. Salut, c'est Marion et Enzo.

d'amour et du fun. Love Fun. 01 42 48 5000. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Lundi soir, à la cool, dans les studios, tout va bien. La clim refonctionne à Fun Radio. Ah. Et ça, on n'en est pas mécontents. Grave, ça fait plaisir. Que... Ah, c'était un délire de faire l'émission à 30, 32 degrés, quoi. Bah, c'était collant, quoi. Ah, exactement. En tout cas, on est très contents d'être avec vous. J'espère que vous passez une bonne soirée. On va parler de ce message qu'on a reçu aujourd'hui. Ouais. Message de Cyril qui nous a parlé de somnambulisme. Ouais, c'est ça. Oui. En fait, il est touché depuis quelques années. Et en fait, la nuit dernière, il s'est réveillé, genre vers 3h du mat, en caleçon, dans sa voiture, le moteur allumé. Ouais. Donc, il était complètement perturbé, il s'est dit, et si finalement j'avais ouvert le garage et que j'étais partie avec, avec ma voiture, et veut savoir bah, d'où ça vient, et s'il y a d'autres personnes qui ont déjà fait des trucs un peu chelous en dormant. Oui, ça vient de, c'est un trouble du sommeil profond, ouais. Qui en général, donc qui se produit pendant le sommeil, on n'est absolument pas conscient de ce qui se passe. En général, ça se passe dans la maison, mm-hmm. Et ça ne va pas plus loin. Il est rare que quelqu'un, par exemple, saute d'une fenêtre, prenne l'avion. Ça peut toujours arriver, non, mais prenne sa voiture, c'est arrivé. Après, il prend sa voiture et il est somnambule, le mec. Oui, ça peut être extrêmement dangereux. Bah oui. Évidemment. Donc, ces cas sont très, très rares, je tiens à le préciser. Et en général, ça passe après l'adolescence, le somnambulisme. C'est un trouble du sommeil passager qui n'est pas très grave. Voilà, bon, après, il ne faut pas les réveiller, ça, c'est la première chose. Et en général, ils retournent dans leur lit et puis voilà. Bon. Les comportements dangereux comme des blessures physiques ou même de l'agressivité ou de sauter par la fenêtre sont rarissimes. Et alors, ça ne veut pas dire que c'est zéro. La fameuse légende qui dit qu'il ne faut jamais réveiller un somnambule. Ouais, bien sûr, oui, ça ne sert à rien, c'est vrai profond. Et oui, non, ça ne sert à rien, ça va être très dur d'abord. Oui, non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce qu'après, la personne est un peu choquée, désorientée. Alors, quoi. Oui, d'accord. Il y a quand même des règles un peu importantes. D'abord, pour éviter les crises, c'est une bonne hygiène de sommeil. D'accord. Un bon sommeil, pas n'importe quoi. Okay. Éviter les situations qui stressent et qui angoissent, ça c'est important. Et modérer quoi? La consommation de quoi? De l'alcool. Merci. Et dormir avec un doudou. Ne pas regarder avant de se coucher. Les films d'horreur. Les films de cul. La télévision, tout simplement. La télévision? Bah pourquoi? En particulier chez l'enfant. Parce que je pense que ce n'est pas bon. Ça va créer des stimulus d'excitation. Ah ouais. Alors qu'en fait, pour avoir un bon sommeil, il faut arriver en phase de somnolence. Tu sais, quand tu commences à un peu de bien-être, à t'endormir, tu piques du nez, tout ça. Petite branlette. Oui, ça, tu fais ce que tu veux avec ta main. Et même sans ça, cette somnolence, eh bien, quand on regarde la télévision, lorsqu'on regarde une tablette, eh bien, ça vient plus difficilement. Donc, du coup, le sommeil vient plus tard, le sommeil est de moins bonne qualité, d'où le somnambulisme possible. Plein de bons conseils, et là, on a plein d'anecdotes de somnambules, à commencer par Émilie. Danger, et bonsoir, Émilie. Fermez la porte, quand même, si dans votre famille. Excuse-moi, Émilie. Alors, si vous avez ça dans votre famille qui a tendance un peu, ou elle a tendance un peu à se balader un peu trop loin, bien fermer les portes à clé. Ouais, bah oui. Et pas laisser les clés dessus. D'accord. Émilie. C'est la base. Émilie, oui. Bonsoir. Salut. Oui, bonsoir. Salut. Salut. Parle bien fort dans le téléphone, Émilie. Alors, raconte-nous, est-ce que t'es somnambule? Tu connais un somnambule? Ben, je sais pas si c'est vraiment du somnambulisme. En fait, je sais pas si c'est, mais en fait, moi, j'ai simplement une question à te poser parce que voilà, je fais je parle dans mes rêves. Le problème, c'est que ça me réveille et je sais ce que je dis, en fait. D'accord, exactement. Ah, tu t'entends parler, en fait. Et tu t'entends parler. Et tu dis quoi? Je crie très fort, donc apparemment, a priori, voilà. Alors, déjà, elle est bonne, hein, elle est bonne. Le somnambulisme, les gens n'ont pas une conscience que quand on leur dit. Car ils n'ont pas conscience d'être somnambules. Ils ne se souviennent pas. Ouais, donc là, c'est pas ça, en fait. Là, c'est autre chose, une phase de réveil ou de pré-réveil. En fait, tu es en rêve et tu te souviens du rêve parce que tu n'es plus en phase de sommeil profond. Voilà, tout simplement. C'est tout bête, oui, le sommeil, le rêve ou le cauchemar. Je ne sais pas si tu cries, c'est peut-être un cauchemar, non? Non, mais c'est assez bizarre, en fait. C'est quoi? Mais c'est quoi ce rêve bizarre? Bah oui, qu'est-ce que tu dis? Bah oui, dis-nous. C'est-à-dire qu'en fait, je dis que je veux ma dose, et en fait, je bois pas, je fume pas, je ne me drogue pas, donc ça fait un peu bizarre. Je veux ma dose! Je vois qu'Arel regardait, se dit, ça, c'est un terme sexuel. Ouais. Bah, pas du tout, ma dose, enfin. Je veux ma dose en... Non, ça se trouve. En drogue? Oui, voilà, c'est ça. Alors que je ne fume pas, je ne bois pas et je ne me drogue pas. Mais tu en rêves? Non, mais c'est sûr qu'on peut avoir. Ça fait bizarre, quoi. C'est pas étrange, quoi. Mais c'est pas la réalité. Non, c'est pas la réalité. Ce qui fait la grande différence, c'est comme chez les gens qui sont fous, qui ne font pas la différence entre justement ce qu'ils imaginent et la réalité. Toi, quand t'es dans la réalité, tu le feras pas. Donc c'est pas grave, ça passe traverse ton esprit. T'inquiète pas, Émilie, tout va bien. Émilie, tu restes avec nous. Il y a Manu qui est là aussi, 24 ans de La Roche-sur-Yon. Bonsoir, Manu. Et bonsoir l'équipe. Salut, salut Manu. Alors, à La Roche-sur-Yon, est-ce qu'il y a des nouvelles boutiques au centre commercial des Flâneries? Oh, alors là, j'y vais pas souvent. Ça a fermé. Karel, il passait ses soirées. Ah ben non. Mais moi, quand j'ai habité à La Roche-sur-Yon, je n'allais que là-bas. C'est pour ça. C'est tout ce que je connais. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Ah ben, plein de magasins, plein de boutiques. Donc, puis j'avais une copine, on faisait l'amour dans les cabines d'essayage. C'est surtout ça. Alors Manu, raconte-nous, est-ce que t'es somnambule, toi? Ouais, ben surtout quand j'étais petit, en fin de compte, la nuit, je me réveillais, je me mettais assis dans ma chambre, oui. Et je me mettais à jouer bien fort, bien réveiller tout le monde. Jouer quoi? Et surtout en chantant. En chantant, on connaissait pas trop les chansons, enfin, apparemment. Oui. Puis d'un coup, ben... Mais tu te souviens de ces réveils? Non, c'est moi c'est ce qu'on m'a raconté, c'est mes sœurs et mes parents qui m'ont raconté ça. Ah, c'est ça. C'est un vrai somnambulisme, ouais, d'accord. Ouais. Oui. Mais oui, tu ouais. jouais quoi? Tu jouais quoi? Mais je sais pas, je jouais au jeu qui était dans ma chambre. Ah, d'accord, ok. Ah ouais. C'est... Donc ça, c'est pas très grave, faut ouais. pas prêter attention. Et ça passe, et comme il le dit très bien, c'est passé après l'adolescence. Ah voilà. Mais un enfant somnambule, ça doit quand même faire flipper. Je veux dire, là, imagine, t'as un enfant, t'as 4 ans, tu te réveilles, il est là en train de faire des bruits chelous. Ça fait un peu scène de film, quoi. Ah ouais, genre possédé. De ouf, le gamin qui te regarde. Je suis possédé. Ah ouais. Et est-ce que c'est vrai que le somnambule il a les bras devant lui là? Mais non, ça c'est non, les zombies. C'est quand même... Ah ouais, je regarde trop The Walking Dead moi. C'est pas possible. Laurie est avec nous. Bonsoir Laurie. Coucou. 21 ans de province. Salut. Alors Laurie, t'es somnambule? Ouais, j'ai un petit peu été somnambule quand j'étais plus jeune et j'ai fait des trucs un peu plus graves que les autres. Ah, l'anecdote, on t'écoute. Bah en fait, moi j'ai une sœur jumelle. Oui. Donc du coup, on dormait dans la même chambre. Oui. Une à l'opposé de l'autre et l'autre à l'opposé. Oui. Et en fait, moi, je me suis levée et je suis partie lui piquer sa couette. Ouais. Et en fait, elle n'a pas voulu me donner sa couette et du coup, en fait, je l'ai étranglée. Bah, pendant quelques secondes. Étranglée, c'est-à-dire. Je l'ai tuée. Bah, en fait, j'ai mis ses mains sur sa gorge. Et comment elle s'est défendue? Bah, en fait, elle s'est défendue et moi, je suis tombée par terre du lit. Et ouais. après, je suis partie me coucher. D'accord. Sans te réveiller. Ah ouais, sans me réveiller, ouais. Ah ouais. Alors, et j'ai pas eu la couette en plus. Ah ouais, putain, t'as pas eu la couette, sauf que cette agressivité, ça peut arriver. C'est exceptionnel. Ouais, et du coup, bah, on est parti voir un médecin et tout ça, qui nous a dit qu'il fallait qu'on se sépare pendant un petit peu de temps parce que c'était un peu risqué quand même. Ah ouais, non, putain, c'est ouf ça. Ouais. Genre, tu peux mourir la nuit parce que ta soeur est somnambule, quoi. En tout cas, si ça persiste après un certain temps, c'est sûr qu'il faut, ou une situation dangereuse, consulter un médecin. Ouais, ça t'est arrivé depuis? Non, plus du tout. Ouais. D'accord. Bon, voilà. Heureusement. Non, ça a été une petite crise, ouais, pendant quelques temps. Pendant 2-3 mois, j'ai fait ça quand j'étais plus jeune, j'avais 12 ans. Oui. D'accord, Laurie. Et maintenant, t'es une femme, t'as 21 ans et tu fais. Voilà. Et je suis plus rien. Petite bêtise. Bah, tant mieux, t'étrangles pas ton mec. Bravo, Laurie. Mathilde aussi est là de Nîmes. Bonsoir. Bonsoir, salut Mathilde. L'équipe. Ah, salut. Petit accent de Nîmes, ça fait plaisir. T'as 21 ans, toi, Mathilde. Tout à fait, voilà. Et puis bon, mais comme je disais, peut-être accent du sud, mais je suis picarde de base. Ah ben d'accord. Eh ben ok. Ah ben dis donc, t'as pris la bille. Hein. Ah oui, mais voilà. Eh ben ça fait plaisir. Représente le nord et le sud. Oui, tout à fait. Ce mélange culturel du nord au-dessus de Lyon pour les sudistes et voilà. Du sud pour dès qu'il fait chaud pour les nordistes. Bah bravo en tout cas. Mathilde, t'es somnambule toi? Oui, tout à fait. Alors comme j'expliquais à Guillaume du Standard, c'est des périodes en général de gros stress qui font que je pète un câble la nuit, si on peut dire. Mm-hmm. Comment je le sais, c'est que j'ai mon copain en fait qui est infirmier, qui est de nuit. D'accord. Donc c'est vrai qu'il a un sommeil qui est décalé par rapport au mien. Donc moi, quand je m'endors à des 22h, 23h, lui s'endort vers des 4-5h du matin. D'accord. Donc il est témoin en fait de tout ce qui peut se passer la nuit et entre autres de tout ce que je peux faire la nuit. En fait j'ai une période d'examen et un boulot qui était assez stressant et toutes les nuits en fait je faisais une crise. Alors ça va du je parle tranquillement, tout va bien, à je me lève en hurlant sur un truc. Alors entre autres une anecdote. Si vous voulez, j'étais stagiaire dans une concession automobile en tant qu'assistante marketing. On avait un gros événement à préparer. En fait, en pleine nuit, j'ai dit, vous allez vous bouger le cul, on a un chiffre d'affaires à faire. Mais j'étais hystérique dans ma chambre, en marchant de long en large en travers. Et j'ai pété un câble pendant 10 minutes, quoi, parce que je pense que j'étais tellement stressée que je me suis mise à hurler. Mais bon, ça, c'est plus calme. Il y a des fois, je lui parle, donc il essaie de faire la conversation avec moi parce que lui ça fait marrer, donc le matin il éclate de rire quand il me dit ce que je raconte. Ah, il se fout de ta gueule quand t'es somnambule, quoi. Ah oui, lui il me regarde, c'est vrai que... rire, il est mort de rire, il me dit cette fille essaie de te parler, tu me disais n'importe quoi. Ou alors une fois aussi je me suis réveillée, il me dit bon mais ça va tranquille, il me dit t'as commencé à m'insulter, je me traitais de gros con, de connard. Ah ouais, putain, ça, non, c'est énorme. Ah, t'es agressive, c'est fini maintenant. C'est fini, oui et non. Je suis encore à 2-3 crises par mois à peu près. J'ai 21 ans. Donc j'ai vu en fait un médecin du sommeil il n'y a pas longtemps. Mieux. Ben, vaudra mieux, oui. Tu vas passer au cabinet de doc, hein, c'est pas normal. Il faut un médecin du sommeil. Je viendrai voir le doc. Oui, ah, donc c'est prévu. En fait, on a une cellule du sommeil qui ouvre à Nîmes en septembre. Très bien, parfait. Donc le médecin m'a demandé explicitement de venir parce que c'est vrai que de jeunes patients comme moi, c'était intéressant aussi à étudier, hein, parce qu'eux, ils font aussi leurs recherches en parallèle. Après, j'ai eu des médicaments pendant 2-3 mois, le temps de passer les examens. Du Donormil, alors c'est... Bon, moi, je vous laisse, hein, je reviens tout à l'heure. Merci, Karel. Salut. Salut. Non, mais voilà, ça se soigne. Enfin, ça se soigne. Après, il y a des traitements beaucoup plus lourds. Mon médecin, ça l'embêtait de me donner quelque chose de plus fort, étant donné mon âge, parce que j'ai eu aussi des tests d'apnée du sommeil qui se sont révélés négatifs, parce que bon, il y a des traitements qui ne fonctionnent pas. Moi, j'en veux bien une, par contre, parce que je suis dans ma voiture. Je vais en chercher une, je la mets au frais. En pleine cagne. Merci beaucoup. Non, donc voilà, pour dire que bon, c'est des actes quand même qui sont isolés, en plus il n'y a pas de danger. Moi je veux dire, mon copain ne me réveille pas, c'est mon médecin qui lui a conseillé. Mais enfin, c'est assez fréquent, voilà. Bon, on va te laisser dormir. T'es en crise de somnambulisme. Là, je rentre sur la terrasse au soleil. Okay. Voilà. Eh bien, c'est la fin de l'émission. Merci à tout le monde. On va retrouver Marion et Anso. Non, merci beaucoup Mathilde, merci à tout le monde d'ailleurs pour vos réactions, c'est toujours cool de vous entendre. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous avez encore un truc à dire, vous avez entendu voilà des témoignages et vous avez dit putain, moi aussi m'est arrivé un truc, allez-y, hein, 01 42 48 5000. On va s'écouter dans un instant un des meilleurs défis, fallait pas demander, de l'année. C'était le 9 avril et on avait eu Marine, 20 ans de Marseille, qui devait énerver sa mère et elle lui avait demandé comment lever la baguette magique des hommes. Ah, c'est vrai que celui-là, il était génial. Restez bien avec nous. Voici David Guetta, Justin Bieber, To You sur Fun. I'm a mountain, there's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak. and intertwine when it comes to you. Don't be blind, watch me speak from my heart when it comes to you, comes to you. David Guetta et Justin Bieber sur Fun Radio. Sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 0 1 42 48 5000. Love in Fun sur Fun Radio. Bienvenue si vous venez de débarquer sur Fun Radio du dimanche au jeudi 20h-22h. C'est Love in Fun, hein. Et on a le chiffre d'Alice dans un instant. Qu'est-ce qui va se passer, Alice ? Eh ben écoute, on va parler des tailles de pénis, parce qu'il paraît qu'une personne sur deux, enfin un mec sur deux, n'est pas satisfait de la taille de son pénis. Donc est-ce que pour vous ça compte ? Absolument, et on en parlait à la cantoche. Bah oui, du coup, on en a parlé. Et on a appris que Guillaume du Standard avait une petite bite, en fait. Bah voilà. Mais je pense pas, il s'est mal exprimé, connaissant. Mais oui, à mon avis, je pense qu'il ment. Ah, je sais pas, c'est mais. Pour vous rassurer. A priori, ouais. Et Kassim l'a plutôt large. Ouais, c'est ça. Mm. On vous dit tout. On vous dit tout, on ne se cache rien. Ça, Guillaume, tu voulais dire un truc peut-être ? Non, pas du tout. Elle est très belle, ma vie. Ah oui, non, c'est ça. Il nous a dit, elle est normale, magnifique. Mais elle est belle. Elle est belle. Tout est beau chez Guillaume. Guillaume du Standard, bien sûr. Alors, on va bien sûr prendre plein de réactions. On en parlera avec vous tous, vous toutes. Et puis, on aura aussi Eva de Paris. Et attention, parce que Eva de Paris, j'ai vu des petites vidéos tout à l'heure. Bonsoir, Eva. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Eva. Tu nous appelles pourquoi, Eva ? Alors, en fait, voilà, je suis herdeuse depuis 6 mois. Et en fait, le truc, c'est que j'ai tout le temps envie de faire l'amour. Et tu es hardeuse, donc c'est ton métier. Oui, c'est ça. Je tourne des films porno, en fait. D'accord. Et tu veux savoir quoi, en fait ? Et en fait, je voudrais savoir si le fait d'avoir tout le temps envie de faire l'amour, ça serait pas de la nymphomanie, éventuellement. D'accord. Ok. Ça, c'est plutôt cool. On va en parler dans un instant avec toi. Et puis, on regardera tes vidéos, bien sûr, pour agrémenter ce sujet. Hein. Restez bien avec nous. Le défi Fallait Pas Demander, c'est les meilleurs défis Fallait Pas Demander de l'année. On se refait celui de Marine, 20 ans, de Marseille, qui devait énerver sa maman. Elle lui avait demandé comment lever la baguette magique des hommes. Allô, maman ? Oui. Ouais, ça va, je t'embête pas là ? Oh, tu vas me priver, toi. Je sais pas, mon téléphone il bug, tu vois pas, c'est n'importe quoi. Bon, j'ai une question là. Ouais. En fait, je voudrais savoir, c'est quoi ta technique, toi, pour faire lever la baguette magique des hommes ? Quoi ? Ben, en fait, c'est simple. Voilà, en fait, là, je suis avec un collègue et tout, Alex, tu le connais pas, mais c'est pas grave. Et en fait, on s'apprêtait à faire l'amour. Et je voulais savoir, toi, avec Roger, tu faisais quoi ? Je sais pas, tu te déguises, tu te fais des choses, tu travailles. C'est quoi, là ? Mais non, mais maman, tu voulais savoir quoi ? Ben, c'est quoi ta technique, voilà, pour faire bander un homme, quoi, c'est tout. Marina, quoi ? Vas-y, tu as fait quoi là ? Tu as pris quoi ? Mais j'ai rien pris du tout, maman. Je suis en train de te dire, voilà, je suis avec Axel et tout. Voilà. Mais maman, mais c'est bon, tu n'es pas comme ça. Mais maman, enfin. C'est ce type là, où tu es d'abord ? Mais c'est un collègue, mais je suis chez lui. C'est une blague, c'est quoi là ? Mais je me dis que vu que tu avais eu deux enfants, il y a une caméra dans la maison, il y a quoi ? Mais quelle technique ? Il n'y a pas de technique ! Mais non, non, maman, c'est obligé que tu fasses Marina, un truc. Arrête-toi, là, je rigole plus, là. Je suis en train de... je chope la bouffaïsse, là. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu me dis ? Bon, maman, tu sais quoi ? Allez, je vais passer à Alex, il va t'expliquer. Mais c'est bon, je te le passe, tu vas voir. Ben oui, tu vas voir, Marina, il est sympa, il est cool. Moi, je veux le tuer, là. Bon, je te le passe. Mais passe à Alex. Allô ? Qui tu es, toi ? Bonjour, je m'appelle Alex. Oui, êtes... merci. Et alors ? Bon, moi j'arrive pas là, j'arrive pas à bander, j'ai pas. Où tu es ? Ben je suis avec Marina, on allait faire l'amour. Mais où ? Ben, elle est dans mon appartement là. Mais où ? Oh, mais tu m'emmerdes ! Mais je viens ! Ce con de tarasse, moi je t'emmerde ! Dis-moi où tu es, j'arrive ! Non mais. Calmez-vous, madame. Vous êtes où ? J'ai un problème de direction. Mais demande à ta mère, Anka. Faire. Non mais je sais pas, vous avez pas des techniques. Vas-y, pour... donne-moi ma fille, donne-moi mais... vite ma fille. Ouais. Je vais faire une attaque là. Donne-moi la petite. Eh, arrête de gueuler là, on s'entend pas. Là. Je veux le tuer. Ok, je vous la passe. Vas-y. Et arrête de gueuler parce qu'on s'entend pas. Allô. Marina. Quoi c'est quoi ce type ? En plus, il parle comme un trou du cul. Mais déjà qu'il bande pas, c'est un peu comme ça. J'étais tranquille, je bronze, j'ai dit, allez, voilà où j'en suis. Mais Jérôme, il est à toi, est-ce que t'as ton frère, là, ou ton père, hein? Mais Jérôme, il était à ton côté, on était libertins, voilà, on est libertins. On a le droit. Écoute-moi, le con de ta race, même si c'est liberté, tu me le dis pas à moi. Mais t'as pas, tu le dis, tu en vis pas à moi. Mais j'allais demander quoi, papa, j'allais appeler papa, oui, bonjour, oui, comment oui, tu fais pour demander si à ce qu'on t'a écouté? Si tu veux, rentre à la maison, dépêche-toi, viens, je t'attends. Non, non, non, non, je rentre pas à la maison. Viens, je t'attends. Non, non, je rentre pas. Écoute bien, raccroche vite ce téléphone, rentre à la maison. Nathalie, je vous veux êtes... Je vais tout casser dans la maison, Marina, écoute bien, rentre vite. Nathalie, vous êtes en direct. Je vais tuer, lui. Vous êtes en direct sur Fun Radio. Vous venez de vous faire piéger. Nathalie, ne raccrochez pas, vous êtes en direct sur Fun Radio. Vous venez de vous faire piéger par Marina qui a participé à un jeu sur Fun Radio et qui devait vous faire croire qu'elle était avec un autre garçon pour vous énerver. Et grâce à vous, Nathalie, eh bien Marina repart avec sa télé, avec son lecteur Blu-ray et avec le Blu-ray du film Les Animaux Fantastiques. C'est vrai ça? Mais oui, c'est vrai, Nathalie. C'est vrai. C'était incroyable. Je suis désolée, je vais la tuer. Ah Nathalie, jamais on se prend... Alex, c'est vous le Alex. Mais vous inquiétez pas, c'était moi Alex. Maman, j'ai envie de mourir, je veux tuer tout le monde. Marina. Oh là là, ça va, c'est un bon pour un bon. Vas-y, va me prendre des anacs, ça va me rentrer. Nathalie, franchement, oui, vous nous avez mais vendu du rêve, vous êtes incroyable. Wow. Vous partez au quart de tour, faut pas vous embêter, hein. Ah on ouais. a vu que vous avez un fort caractère. Mais c'est pas ça, vous vous rendez compte ce qu'elle me dit? Bah oui, non mais bien sûr, bah c'était une question qui était censée vous choquer, donc forcément, ça a marché, ah ouais, ça a bien marché. Et vous êtes incroyable, c'était à mourir de rire, vraiment. Mais je suis sur quoi là? Fun Radio, le son Dance Floor. Et tout le monde y l'entend? Oui, tout le monde entend, bah oui, c'est le concept d'être en direct en fait. Elle a compris, ça y est, elle a compris. Ça a été un peu long. Nathalie de la France, vous écoute, vous voulez passer une dédicace? Non, je vais juste la fracasser qu'elle va rentrer. Elle va rentrer avec une télé. Elle va voir le ravioli que je vais y faire ce soir. Ah bah, profitez devant la télé, les Animaux Fantastiques, vous allez vous éclater, passer une très bonne soirée. Elle est belle au moins la télé? Bah bien sûr, c'est une belle télé. J'ai une tête à offrir des télés pourries, moi? Non, pas du tout. Je vous appelle Alex. Elle est magnifique. Elle croit que tu t'appelles Alex encore. Hein. Elle pense, mais c'est pas grave. Je m'appelle Alex, c'est Love in Fun. Et on vous fait des gros gros bisous, Nathalie. Moi aussi, au revoir. À bientôt, bon, Nathalie. Marina. Oui. Ne change pas de mère. Hein. Non, elle est parfaite. Elle ne rentre pas tout de suite, elle au cas est incroyable. Où. Incroyable. Tu savais que t'avais déjà gagné d'avance, toi. Hein. Oui, je la connais comme si je l'avais faite. Elle est incroyable, franchement. Bravo à toutes les deux. On te fait des gros bisous, Marina. Salut à toi. Salut. Merci, gros bisous. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Fun Radio. Énorme. Franchement, énorme ce défi, fallait pas demander. C'est comme ça toute la semaine, les meilleurs défis, fallait pas demander de l'année sur Fun Radio. Dans un instant, Lucas. Lucas, 22 ans de Lyon. Salut, Lucas. Salut, Doc. Salut, Karel. Salut. Hey, t'es essoufflé, toi? Oh, bah non, pourtant. J'ai monté les escaliers, mais bon. Ah, ouais, d'accord. Eh ben, arrête la clope. Alors, on va parler de quoi avec toi, Lucas, dans un instant? Eh ben, j'ai des problèmes d'infidélité. D'accord. Donc voilà, je voulais en parler avec vous et puis poser quelques questions et voir avec l'équipe ce qu'ils en pensent. Ouais, bah bien sûr, on va t'aider, on va en parler. Vous aussi, vous pouvez réagir, hein, 01 42 48 5000. On va aussi écouter du son par n'importe lequel. Martin Jensen. Ça s'appelle Solo Dance et c'est dans 3 minutes sur Fun Radio. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Fun. Jaded. The Chainsmokers et Luan. Edia. Hi, it's Jonas Blue on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés. C'est Fun Radio. Le son Dance Floor.

Martin Jensen sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. Love in Fun. 20h, 22h. Love in Fun. Radio. Tous les soirs, on est en direct du dimanche au jeudi, 20h, 22h. On est filmé aussi. Si vous voulez regarder l'émission, vous pouvez venir nous mater. Allez-y. Surtout, souvent, la caméra est sur Alice. Donc, ça, c'est plutôt cool. Vous êtes très nombreux à nous dire qu'il faut faire des plans fixes. Oh, arrête, n'importe quoi. N'hésitez pas. Funradio.fr où vous pouvez regarder également les vidéos, le live vidéo, le stream hein, sur l'application à télécharger sur tous les mobiles, tous les portables. Hein. Allez-y. L'application Fun Radio. On va accueillir Lucas là maintenant. Lucas, il nous appelle de Lyon. Il a 22 ans, il est en galère. Salut Lucas. Salut. À toi, vas-y, raconte-nous. Alors du coup, bah voilà, en fait, je suis en couple avec une fille depuis 5 ans, presque 6 ans, et je n'arrive pas à m'empêcher d'être infidèle, en fait. D'accord, très bien. C'est-à-dire, comment ça se passe? Bah en fait, au début, pendant 4 ans, j'ai toujours été fidèle. Pour moi, aller voir une autre fille, c'était pas possible. Mmh. Et puis, en fait, c'est parti, en fait, que je voulais voir si je plaisais encore, entre guillemets. Ouais. Et au début, c'était juste un jeu de séduction. Et puis au final, après, ben, ça a un peu dérapé. D'accord. J'en ai eu une première fois, j'ai couché avec. Et après, le problème, c'est que bah, ça a continué. Combien comme ça, au total? Ben, je dirais une dizaine à peu près. Oh putain. D'accord, très bien. Alors maintenant, bon, on a compris. Ça, c'est assez facile. Qu'en est-il de réellement ta relation avec ta copine actuelle? Parce que c'est ça la vraie question. C'est pas savoir pourquoi tu te trompes, c'est où tu en es. Comment tu fais pour gérer ça? Quels sentiments éprouves-tu encore pour elle? Et qu'est-ce que vous avez à partager? C'est ça la bonne question. Ouais, bien sûr. Alors justement, c'est ça qui paraît bizarre. C'est qu'en fait, quand je suis avec elle, je suis super heureux. Enfin, je l'aime, honnêtement, je l'aime. Et je me verrais pas faire ma vie avec une autre femme. Mais d'accord. Le problème, c'est que quand je suis pas avec elle et que je suis avec des collègues qui sont en couple ou pas, ouais. Et ben, j'ai envie de montrer que voilà, je plais et que ouais. Je peux faire tourner des têtes, entre guillemets. Donc t'as pas confiance en toi. C'est à peu près le cas des gens qui ne se sentent pas très sûrs d'eux. Qui ont besoin de un peu comme ça d'une solidité narcissique un peu plus forte, ce qui n'est pas le cas ton cas probablement, mais bon, ça arrive à tout le monde, surtout à ton âge. Ah bah attends, Doc, 10 là, la meuf elle est super cocu. Là, tu comprends bien qu'un jour elle va s'en rendre compte parce que bien sûr tu lui mens. Bah en fait le problème justement c'est que bah il y a déjà une fois où en fait je me suis fait griller en fait. Tant mieux. Et alors qu'est-ce qu'elle a dit? Ah bah honnêtement, voilà, elle était pas contente du tout, j'ai failli me faire larguer complètement. Donc et en fait, bon, j'ai réussi à trouver les mots pour... T'as menti. Oui, honnêtement, oui, mais après, voilà, quoi, si jamais je recommence, et puis au final... Dans la vie, la volonté, ça existe quand même. Ah ouais. Et déjà, première étape, ne pas se mettre dans les situations, parce qu'en fait, on a parfaitement compris, j'ai entendu au début... Au début, c'est pour voir comme ça, juste pour séduire, juste pour me dire que. Et c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est vraiment ce genre de situation qui te conduit forcément à la tromper, parce que c'est une escalade. C'est normal. Donc déjà, t'interdire ça. Si vraiment tu tiens à elle, parce que si tu n'as pas elle, tu la quittes et puis tu vas vivre ta vie comme ça. Hein, c'est pas... Voilà, si tu... Mais si t'es vraiment, tu y crois, c'est une question de respect, de la respecter, puisqu'elle pense que tu es fidèle, alors que tu ne l'es pas du tout. Voilà, si tu partages des belles choses avec elle, concentre-toi là-dessus. Et puis au niveau sexuel, t'es vraiment satisfait ou pas? Bah sexuellement avec elle, oui complètement. Ouais. C'est vrai qu'après, il y a un souci en fait, c'est qu'elle a un travail qui fait que on se voit très rarement. Ah, et je pense que ça joue aussi en fait. Non, pas du tout. Mais voilà, je pense que ça joue. Alors, et puis, est-ce que vous avez la possibilité? T'as quel âge? 22 ans. Bah moi j'ai 22 ans. Est-ce que vous allez vivre ensemble? On vit déjà actuellement ensemble. Elle est où pour ne pas être là? Bah en fait elle travaille en restauration et elle finit très tard et moi en fait quand je pars au boulot bah elle rentre et vice versa quoi. Ah oui d'accord, donc ça pose un problème, mais il faut trouver un arrangement effectivement pour se retrouver autre que un ou deux jours par semaine. C'est vrai, ça il faut faire un effort de chaque côté. Franchement Lucas, c'est juste toi qui vas changer ça quoi. Après c'est vrai que moi la question que je me posais en fait c'était savoir si admettons que voilà j'arrive à arrêter toutes ces conneries là. Oui. Est-ce que je peux vivre avec une femme en sachant que en fait derrière je l'ai trompé beaucoup de fois quoi entre guillemets. Oui mais ça c'est des choses qui arrivent. Ce qui compte c'est l'avenir. C'est pas si tu te retournes. Le passé c'est le passé. C'est le passé. Tu sais il y a une belle image dans la Bible qui peut plaire à tout le monde. C'est Sodome et Gomorre. La Bible. Quand donc Lot quitte Sodome parce que tout brûle. C'est vraiment l'image même de ça, de la sexualité complètement débridée. Et on dit à sa femme, tu pars avec lui, mais si tu te retournes, tu es transformé en statue de sel. Ça veut dire très clairement que si tu te retournes trop sur ton passé et que tu ne regardes pas l'avenir, que tu vis dans la culpabilité, que tu as une certaine attirance pour ça qui persiste, mais à un moment donné, tu es paralysé, tu ne peux plus rien faire. Voilà. C'est vraiment ça qui va t'arriver. Donc, il te faut un peu d'effort, un peu, voilà, et avoir des objectifs, construire ta vie, et puis aménager votre quotidien. Parce que ça, je comprends assez que c'est difficile de vivre une vie de couple quand vous vous croisez 3 heures par jour. Voilà, en fait, c'est ça. Ouais. C'est beau. Hein. Bravo, Doc. Ouais. Ah oui. Bon. Eh ben voilà, Lucas. Hein, merci. Hein. Après, voilà, c'est des conseils que je vais. Tu vas te retrouver célibataire. Ça fera 69 euros, Lucas. On verra bien. C'est ça, l'histoire. Faut quand même être lucide. Non. Et je suis sûr qu'Alice, elle doit être horrifiée. Bah, en fait, je suis pas horrifiée, mais je pense que tu devrais tout lui dire. Vraiment, si vraiment tu l'as. Mais non, là, il est largué. Écoute, je suis désolée, mais elle a le droit aussi de choisir et de se dire, en étant au courant de toute la vérité, ouais, en ayant toutes les cartes en main, de prendre la décision et de elle-même choisir si elle a envie ou non de continuer avec. Comme à toi. Mon avis, non, mais ça dépend. Oui, mais c'est pas à toi de prendre la décision. Ce qu'elle dit, Alice. Parce que je veux dire, elle va vivre quand même en se disant, c'est un mec comme ça, alors que c'est pas le cas. Donc, tu lui mens, c'est vrai. Mais dur pour elle. J'ai peur qu'il ne change pas, donc ça va revenir à ça. C'est dans ces cas-là, je veux dire, t'es débile de penser que t'as besoin de plaire si t'es en couple. Débile. Je suis désolée, mais si t'es en couple avec elle depuis 5 ans, que ça se passe si bien, c'est que tu sais que tu plais, non? Sinon, elle t'aurait têche et tu serais célibataire. Débile. Je sais pas, non. Bah, si, attends, il y a quelqu'un qui se passe bien avec elle, c'est la femme de ta vie, donc dans ces cas-là, tu lui dis, je veux plusieurs meufs. Et puis elle te dit, non, t'es tout seul et tu te démerdes. Tu trouves une femme qui sera capable d'accepter ton infidélité. Comment elle t'enchaîne ? Elle, tu la laisses tranquille. mais c'est vrai. Ouais, je vois ça, elle est pas gentille. Hein. Si, elle est très gentille parce qu'elle t'aide, Lucas, ouais, à ouvrir les yeux. Je suis gentille, débile, c'est affectueux. Elle a raison, mais après, je pense qu'en fait, après, il y a un moment donné où aussi, moi, je peux me remettre en question et je peux arrêter toutes ces conneries-là. Mais le fait de lui dire, ça commence par. Je pense que c'est une nécessité, oui. Ah ouais, et puis en surtout plus... si tout va bien avec elle, quoi. Je veux dire, à un moment. Non, mais tu prends... ouais, franchement, j'ai pas grand chose qui va me. Enfin, non, au contraire, ça va bien. Enfin, je veux dire, on n'a pas de. Il n'y a pas de, vraiment de, d'accroche. Enfin, voilà. De mauvaises accroches. Oui, en plus. Franchement, si tu l'aimes. Enfin, moi, c'est mon délire, mais si t'aimes vraiment ta nana, tu peux pas oser lui faire un truc comme ça. Et là, tu le fais 10 fois. Enfin, c'est pas normal. Ou alors tu la laisses te tromper, elle aussi. Salut, Lucas. Réfléchis, médite là-dessus. Ouais, ça marche. Merci pour les conseils. Merci à tout le monde. Salut à toi, Lucas. Salut, j'ai pris plein la tête. Ah ouais, non. Mais c'est bien, écoute. J'avais pas parlé. Là, tu m'as demandé mon avis. Putain, je l'ai enchaîné, Lucas. T'as parlé peut-être au nom des femmes. Ouais, écoute, Alice, oui. Qui sont révoltées. Enfin, attends, il y a des femmes qui se comportent de la même façon. J'aurais dit la même chose. Oui, mais c'est plus les mecs. Mais non, c'est pareil. Non, les femmes sont des princesses. Le chiffre d'Alice, dans un instant, sur Fun Radio. La douceur est au rendez-vous. Dans quelques minutes. Oui, exactement, parce qu'on va parler taille de pénis. Ah, voilà. Donc voilà, est-ce que la taille compte pour vous ? C'est la question qu'on vous pose, que vous soyez un mec, une fille, que vous ayez même des anecdotes, des fois des petites surprises à nous raconter par rapport à ça. Une trop grosse, une trop petite, une trop mince, racontez-nous. Et puis je connais bien Doc sur le sujet, il va nous dire oui, la taille ne compte pas. Il dit ça parce qu'il y a une petite bite. Ça rassure. Et bien sûr, dites-nous en tout cas. Je ne répondrai pas. 0142 48 5000. Je suis sûr que la taille compte quand même un minimum. Et même dans la tête et tout. Oh, il en a une grosse, je la sens bien. Restez avec nous, voici Hardwell, Creatures of the Night sur Fun Radio. C'est Love in Fun jusqu'à 22h. Oh, c'est bon. We can head up there, sell on a sunset to the sky. Wave to the people, everyone you know, up on a satellite. Cause we go, watching cities and streets come to life. Yeah, you know, we're just starting, we're learning to fly. Head for the stars, here we are, living like creatures of the night. Never grew old, stay young in our soul. We can outrun the daylight. And we do what we wanna do. And we do what we wanna do. What we want, be who we are, living like creatures, creatures, creatures of the night. Over the rainbow, chasing. chasing the shadows. You know the story's just begun. Rocking the blue jeans, jamming to Springsteen. Baby, we're born to run. 'Cause we go, we go. Watching cities and streets come to life. Yeah, you know, you know. We're just starting, we're learning to fly. Head for the stars, here we are. Living like creatures of the night. Never grow old, stay young in our soul. We can outrun the daylight. And we do what we wanna do. And we do what we wanna do. Do what we want, be who we are. Living like creatures, creatures, creatures of the night. Trop cool ce son, hein. Hardwell, Creatures of the Night sur Fun Radio. Le chiffre d'Ali dans Lovin' Fun sur Fun Radio. Ah, vaste débat ce soir dans le chiffre d'Alice. On se dit tout, on ne se cache rien et on ça va balance. Apprendre plein de trucs. Ce soir, qu'est-ce que c'est dans ton chiffre? On parle de taille de pénis. Il paraît qu'un mec sur deux n'est pas satisfait par la taille de son pénis. Je n'en fais pas partie. J'allais te demander, ça va toi? Non, mais moi, alors moi je sais pas, tout va bien. Il y a des gens qui, des mecs qui effectivement sont très préoccupés par la taille de leur verge. Oui. Ah mais énormément. Il y a un point mais très pathologique parce que d'abord ça n'a rien à voir avec la virilité et de dire que les filles préfèrent ça, ça reste à voir. Mmh. C'est pas prouvé, loin s'en faut. Mais bon, on a une espèce de copier-coller entre virilité et taille du sexe. Ouais, bah c'est vrai. Mais comme si ceux qui avaient un gros sexe étaient sexuellement plus. Plus puissant. Ce qui mais tu peux comprendre, Doc, que si on a un petit pénis, bah, on sent un petit peu mal à l'aise par rapport à un pote qu'on aurait une plus grosse. Non, ah, en général, tu n'es pas souvent avec ton pote. Quand tu fais 1m90 et que l'autre fait 1m60, il se sent mal à l'aise. Non. À un moment donné, tu as construit ta personnalité et tu fais avec ton corps, dans la mesure où il fonctionne bien, tu es tout à fait heureux. Mmh. Ok. Ouais, non, mais il y a. Pas de problème. Et heureusement que. Mais l'adolescence, c'est la période où tu vas te poser des questions sur ton corps. J'ai ceci qui ne va pas, ma tête n'est pas belle, mon nez est comme ci, mon nez est comme ça. J'ai pas assez de seins, j'ai pas assez de muscles. Ça, ça va pour les fragiles. On est. Ils ne vont pas avoir assez de muscles, alors forcément, ils s'en font avec. On n'est jamais content, en fait. Oui, voilà, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on construit ça. On prend possession de son corps qui est tout à fait nouveau, qu'on trouve disgracieux. À l'adolescence, c'est très fréquent. On va avoir beaucoup, beaucoup de réactions, à commencer par. Par Céline de Besançon. D'ailleurs, ce serait cool, parce qu'on va avoir dans un instant une hardeuse. Ce serait cool de lui demander si pour elle, la taille du sexe, c'est important, parce qu'elle est habituée à avoir de grosses verges, je pense, hein, puisque c'est son métier. Céline, bonsoir Céline. Oui. Salut tout le monde. Salut. Céline, tu es de Franche-Comté à Besançon. C'est ça. Eh bien voilà, nous voyageons chez Doc. Oui. Raconte-nous, toi Céline, un petit peu, est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que la taille du sexe compte? Ben, pour moi, je pense pas que ça soit... Ça soit important tant que le partenaire sait s'en servir. Je pense pas. Pour avoir personnellement eu, on va dire, les deux, un petit et peut-être un plus gros, on va dire ça comme ça, même si j'aime pas dire les choses comme ça. Mais tu l'as après, dit quand c'est, même. C'est lui qui est le plus gêné. C'est pas, je pense que voilà, il a su s'en servir comme il fallait. Et puis, ah, ça t'a voilà. Jamais gêné donc? Tu t'es jamais dit, non, ça me convient pas? Ben, ça posait plus de problèmes à lui qu'à moi, au final. D'accord, c'est ça, en fait. Ah, donc c'est déjà arrivé, quoi. C'était lui qui se posait des questions par rapport à sa verge, alors que toi, tu t'en foutais un peu, quoi. Bah oui, parce que ça se passait très bien. Ben voilà, mais voilà, on fait pas l'amour avec un sexe. Oui, voilà. C'est sexe, c'est un outil. Enfin, l'amour avec quelqu'un. Hein? Voilà. Oui, non, mais voilà, c'est la manière, comme on dit, tout c'est la toujours. Manière de l'utiliser, quoi. Là, exactement, la façon de s'en servir. Donc toi, Céline, t'es satisfaite? Moi, j'étais satisfaite. Il y a pas de... enfin, je pense que les hommes n'ont pas de complexe à avoir là-dessus. Voilà. Ouais. Soit petit, gros, moyen. Chacun sa top, chacun son destin. Voilà, c'est ça. Merci, Céline. Ça comme ça. Merci Céline. Christelle est avec nous, 19 ans de Nantes. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut. Christelle. Alors Christelle, petite, moyenne, qu'est-ce que je vous sers? Alors, pour commencer. Non, en vrai, faut quand même qu'il en ait une bonne. Enfin, voilà. Ah, c'est quoi une bonne? Ouais. Enfin, bah, qu'elle fasse plaisir, quoi. Qu'elle fasse plaisir à voir, au moins. Qu'elle fasse pas flipper. Attends, voilà. Donc, en fait, le fait pour toi de voir un sexe de taille au-dessus de la moyenne, le seul fait de le voir déclenche chez toi du désir, de l'excitation, c'est ça? Ah ouais, totalement. Ouais. Mais enfin, quand t'envoies une grosse, ça y est. Ah ouais, ben bah ouais, carrément. Bah franchement, bah après, faut au moins savoir s'en servir aussi. Oui, non, mais bien sûr, mais j'imagine que vous, quand vous voyez un mec qui bande et donc il a une grosse verge, bah, parce que vous le faites bander, ça vous excite, non? Ah bah ouais, ça fait plaisir à voir. Bah, ça t'excite, toi. Et si on a une petite, ça fait quoi? Bah, c'est beaucoup moins excitant, mais bon, après, s'il sait s'en servir, pourquoi pas. T'es déjà tombé sur un petit sexe? Ouais. Et alors, comment ça s'est passé? Bah, ça refroidit, quoi. Ah ouais, carrément. Oh putain. Mais vous faites les choquer, mais vous, c'est pareil. Vous êtes super excité par une grosse paire de seins. C'est la même chose. Mais bien sûr, tout à fait. On n'est pas choqué du tout. Non, mais voilà, Crystal, toi, tu dis ouvertement si elle est grosse, ça ne me dérange pas. Et ouais, bah non, limite, au contraire. Ça l'arrange. Je prendrais mon pied comme ça. D'accord, ok. Donc pour toi, c'est important. Et c'est bien une construction dans la tête. Ah oui, non, mais bien sûr. Fantasme. Enfin bref, bon. Parce que mécaniquement, Doc, un vagin, ça fait à peu près 12 cm, c'est ça? Oui, voilà, 8, 12, ça peut être un peu... Mais ça, tu vas pas tout rentrer si elle en fait 25. Hein. Ah voilà, c'est ça. Oh. On trouve toujours de la place. Alors, ça veut dire que tu as déjà eu des relations sexuelles avec des garçons qui avaient des verges de 25 cm en érection. Peut-être pas 25, mais... Non, mais Alice, mais 24. Plus de 12. Alice, ouais, 24, vrai. Elle nous a dit. Ah, intéressant. Non, bah, écoute, je te le présenterai si tu veux. Ah, pourquoi pas? Et figure-toi que c'était sa première relation sexuelle. Ouais, j'ai eu très peur. Ah ouais. J'ai eu très peur. En effet, il n'a pas. Tout n'est pas rentré. Ça se marre. Oh mon Dieu! Je lui ai dit, hein, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, mon Dieu, tu vas me tuer. Et on a attendu quelques mois encore. Ah ouais, d'accord. Elle n'était pas prête. Hein. C'est ça. Bien pas sûr. Pour ça. Alors, Crystal, reste avec nous. Il y a Jennifer aussi qui veut parler. Jennifer de Nancy. Salut, Jennifer. Salut l'équipe. Salut Jennifer, raconte-nous un petit peu toi. Ben moi comme je le dis, hein, il faut qu'elle soit assez large pour toucher les bords, pas trop pour pas déchirer, assez longue pour la sentir passer, mais pas trop pour amocher le code. Oh bravo, donc, bravo. Il y a une fiche technique. Attends, tu sais. Attends. Là t'arrives avec ton pied à coulisse et tu mesures tout ça avant d'utiliser. Bon alors. Bonjour. Alors le matos, présentez vos testicules s'il vous plaît. Non mais carrément. Mais dis-nous la vérité, Jennifer. Toi, c'est important ou pas clairement? Si tu tombes par exemple sur un mec qui a un petit sexe, on va dire, 11-12 cm, hein. Donc pas un micro-pénis, mais un petit sexe. Bon, je suis déjà tombée sur le micro-pénis, donc... Micro-pénis, c'est important de le préciser, Doc, ça ne dépasse pas combien de centimètres? Ah bah là, c'est en toute cette 8 en érection. En érection, hein. Et ouais, ça devait être ça. Chez les petits bébés, c'est des verges de 1 cm à la naissance. On sait déjà que ce sont des micro-pénis et qui méritent des explorations pour étudier tout ça. Bien sûr, parce qu'il faut quand même, je rappelle, pour les micro-pénis, s'en occuper dès la plus jeune enfance. Ouais, mais parce que ça, on peut opérer ça Non, mais on peut vérifier est-ce que les hormones agissent au niveau des récepteurs. D'accord. Ou est-ce qu'il y a un défaut de sécrétion hormonale? Est-ce qu'on peut donner un traitement ou pas? Ok. Alors, Jennifer, du coup, toi, quand t'es tombée sur un micro-pénis, comment ça s'est passé? Quelle a été ta réaction? Ben, disons qu'à l'époque, j'étais vierge et il m'a pas fait grand mal, quoi. D'accord. Il a même pas eu son hymen, le pauvre. C'était vraiment une verge ou c'était autre chose? Ah non, c'était vraiment une verge. Quoi c'était sa verge. Elle faisait combien? 7, 8 cm, 6? Ah ouais, je l'ai pas mesuré à l'époque. Hein, mais Il avait quel âge? 12 ans? Non, il en avait bien 25. Mais ça va pas, Doc. C'est horrible. Non, mais franchement, faut pas se moquer parce qu'il y en a qui nous écoutent et qui ont un micro-pénis. Parce qu'il y en a. Mais ça, il faut les expliquer. Il faut consulter et il faut pas rester dans ce cas de figure comme ça, isolé. Tu vois, Guillaume, tout peut s'arranger. Guillaume au standard. Ah bah voilà qui me rassure. Eva est hardeuse. Elle nous a dit... Eva, t'es là? Salut. Ouais. Et Eva, bonsoir tout le monde. Donc hardeuse, donc c'est-à-dire que tu fais des films porno, des vidéos porno, ouais, c'est ça? Ouais, je fais des films de cul, ouais. Voilà, tu fais des films de cul. Et d'ailleurs, dans un instant, on parlera de toi, parce que tu te demandes si tu es nymphomane, parce que t'as tout le temps envie de faire l'amour. J'imagine que tu as côtoyé beaucoup de kékettes. Je les compte au kilomètre maintenant. Ah, au kilomètre. Oh putain. Je m'attendais pas à ça. Je voulais juste intervenir, c'est que c'est pas la taille qui est la largeur, c'est comment on, le mec il est motivé. Enfin, c'est pour toi ça. Là, ça c'est la motivation. Ouais, c'est, ouais, c'est ce que tu disais, ouais. Doc. Elle dit exactement la largeur. Ce que tu disais. Non, elle a dit la largeur. Non, elle a dit ni la largeur. Ni la largeur, ni la longueur. Ah d'accord, la j'ai pas entendu. La longueur. Alors, j'ai pas entendu. C'est la façon de l'utiliser. Ah, voilà. Bah oui, ça on est d'accord. Parce que, voilà. Eva, justement, toi, t'as rencontré des hardeurs, donc des mecs qui ont des très grosses teufs. Oh putain, le truc, ça doit faire mal. Et franchement, t'as pas plus kiffé que ça. Franchement, moi je me rappelle la plus longue que j'ai eue, c'est Titeuf. Titeuf, ah oui, donc c'est un comédien, voilà, qui est très connu. Ouais, qui a combien lui? Combien il a lui? Je crois qu'il est à 23 ou 24. Ouais, il semble. D'accord. La dernière fois que j'avais mesuré, c'était 23. Ouais, c'est un poney. C'est un poney, voilà. Et alors, t'as eu du plaisir ou pas? Franchement, moi c'est pas trop mon type. Ouais, moi, je suis plus dans, on va dire, dans les proportions normales. D'accord, voilà. Un sexe de qualité normale. Voilà. Tout à fait. Eva, merci beaucoup. En tout cas, on regarde aussi les réactions sur les réseaux sociaux, ça parle beaucoup. Alors, il y a Sophie qui dit évidemment que ça compte, même si ça ne fait pas tout. Marc qui dit oui, c'est très important, un double décimètre au moins, sinon rien. Oh. Et Mika qui dit, comme dit le proverbe, mieux vaut une petite qui frétille qu'une grosse qui roupille. Et voilà. Et on terminera là-dessus. Merci à tout le monde. Céline, Crystal, Jennifer. Notre auditeur du soir, Jérémy, j'ai oublié de te demander. Oui. Jérémy. Ouais. Oh, t'as une petite bite, toi. Oh non, moi, je te cache pas que. Je me suis fait pas mal de fois complimenter, hein, c'est ce que je veux dire. Et ça te donne la confiance. Ah à 15 ans, il y a une grande expérience. Hein. Non mais je vais vous dire, il y a une nana qui dit à son mec, oh putain elle est grosse. Alors je vais te dire, le mec il est refait. Non mais c'est vrai. N'hésitez pas les filles. Il faut pas grand chose pour un mec. C'est clair. Ça te fait ta journée, hein, voire même ton année. Hein. Jérémy, merci beaucoup en tout cas, tu restes avec nous. J'offre des sextoys Lélo d'ailleurs pour tout le monde. Hein, oui. Vous raccrochez pas. Et puis dans un instant sur Fun Radio, qu'est-ce qui va se passer? Bah justement, on va retrouver Eva. Eva de Paris, notre ardeuse. Tu restes avec nous, Eva. Hein. Ouais, y a pas de soucis. Parce que Eva, elle fait des films et tout machin. Elle a tourné avec un certain Jackie et son comparse Michel. Jackie et Michel, ouais. Ah oui, voilà, on les connaît. Merci qui? Merci Jackie et Michel. Et ben voilà, Eva, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. Mon Eva, Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Qui se demande si elle est nymphomane? Jonas Blue dans un instant sur Fun Radio avec Mama. Vous écoutez Fun Radio, c'est Love in Fun jusqu'à 22h, vous bougez pas. Hein. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Tous les soirs, 22h minuit, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Salut, c'est Marion et Anso. Cette semaine, à l'occasion de la sortie du single de Uko, Blind, on vous offre votre casque Beats. It's not a crime to be afraid. Dis donc Marion, tu trouves pas que Uko ça sent l'été? Puis le Monoï aussi un peu. Garçon, qu'on m'envoie une boisson fraîche. Tous les soirs, 22h minuit. Here we go. Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Salut, c'est Marion et Anso. Vous voulez devenir le youtubeur de demain? Alors participez au grand casting Ta vie puissance Yop. Postez vos vidéos et faites voter vos potes. Les 10 meilleurs participeront au show final sur la scène du Trianon avec les youtubeurs Tonio Life, Théo Gordy et Shakeup. Rendez-vous sur yop.fr et conditions aussi sur yop.fr. Merci d'avoir fait tomber mon téléphone dans les toilettes la soirée mythique. Et merci d'avoir renversé mon cocktail sur Pierre. Sans ça, on se serait jamais rencontrés. Merci maladresse. Rencontrez-vous aux soirées mythiques en téléchargeant gratuitement notre appli. Mythique, love your imperfections. Fun Radio présente le premier festival 100% électro du Sud-Ouest. Summer Sound Festival. Du 3 au 6 août à la Corderie Royale de Rochefort. Retrouvez sur scène les plus grands DJ. Martin Solveig, Don Diablo, Afrojack, Cashmere, Dylan Francis, Madeon, Félix J, Lumberjack et plein d'autres. Et le dimanche 6 août, Party Fun Live exceptionnel avec Florian Picasso, Henri PFR, Damien Hendrix, Klossmann, Adrien Thomas et Maeva Carter. Let's make some noise. Un

du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. C'est Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. Dans un instant, on sera avec Eva de Paris qui est ardeuse. Elle a toujours besoin de sexe. Elle veut savoir si elle est nymphomane. On va en parler bien sûr avec elle. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Bien sûr, si vous voulez nous appeler, je vous rappelle que mercredi soir, ce sera la dernière émission de la saison avant les vacances. Et on fêtera ça avec une émission spéciale vacances. On aura dans l'émission Alrima. On va tous être en claquettes chaussettes pendant l'émission. Ambiance maillot de bain, il sera avec nous là bien sûr à faire les cons. Bien sûr, vous pouvez venir assister à l'émission. Vous envoyez un petit mail, loveinfun@funradio.fr. C'est mercredi soir dans l'émission qu'on fera ça. Je vais ouvrir aussi quelques snaps qu'on nous a envoyés là sur les réseaux sociaux et notamment sur le Snapchat de l'émission loveinfunradio. Alors je salue tous ceux qui sont connectés là en ce moment, qui nous envoient des petits snaps. Il y a Mitoutou 57 qui nous envoie une petite photo. Pedro Lito, un grand fan, qui dit ça écoute les meilleurs. Il est torse nu et je lui envie de lui dire de se raser. Benji 512. Ah, je ne suis pas d'accord avec Doc. Je suis ado et je me sens bien dans mon corps. Mais ah oui, bien sûr, ça existe. Non, mais ça, on est d'accord. Ah oui. Mais j'ai pas parlé de tout le monde. Bien sûr, il a raison de corriger, mais une partie est comme ça. Eh ben oui. C'est un passage que l'on connaît, mais il y en a qui sont tout à fait à l'aise dans la vie, qui sont pas très sûrs d'eux. Oui, bien sûr. Ah ben, il y a toujours eu un mec dans ta classe qui est parfait. Tu sais, il a pas de boutons, il a une super verge, tout va bien, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais la plupart, moi, je suis d'accord avec toi. Donc, l'adolescence, la puberté, tout ça, c'est pas évident. Il y a Arsène qui nous envoie un petit snap et qui nous dit que chez lui, il fait 22 degrés. Merci beaucoup, Arsène. Il y a PSG aussi qui nous dit salut, je vous kiffe avec trois petits cœurs. Merci beaucoup à toi. Ezine Tony qui nous dit envoie une photo de toi à poil. Non. Il y a Clara Barbier qui nous envoie un petit message. Jeanne qui n'était pas satisfait de son pénis. On parlait de la taille des pénis là, oui, il y a quelques minutes. N'hésitez pas en tout cas et bienvenue à tous ceux qui nous envoient des petits snaps. Là. Je peux passer à la radio, nous dit Arsène. Eh ben, écoute, vas-y, hein. Appelle-nous Arsène, il n'y a pas de problème. 01 42 48 5000. On va récupérer Eva de Paris. Bonsoir Eva. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Eva. Et Eva, tu es ardeuse. Tu tournes dans des vidéos porno. Ouais, c'est ça. Comment ça a commencé pour toi? C'est quoi le... En fait, on va dire que je suis tombée dedans par hasard. En fait, j'avais fait un concours pour gagner un t-shirt. Et puis, finalement, on m'a rappelé le lendemain, me demandant d'autres photos. Et Attends. Tu avais participé à un concours pour gagner un t-shirt. Et à la fin, tu te retrouves ardeuse. C'est bizarre ton concours. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, mais c'était un concours genre, tu devais enlever ton t-shirt, non? Non, c'était un concours, ça allait être en maillot de bain et puis tendre un t-shirt qui était neutre, quoi. Il n'y avait rien dessus. Excuse-moi, c'est quand même pas anodin de proposer à quelqu'un de faire des films hard, alors qu'apparemment, au début, c'est une demande banale, donc il y a quelque chose qui n'est pas clair. Si, parce qu'en fait, si tu veux, au départ, je faisais je travaillais pour des plateformes de cam porno. Ouais, d'accord. Ah oui, okay, t'avais déjà un pied dans le truc, oui. Ouais, tout à fait. T'avais déjà un pied dedans et puis en fait, ça a commencé comme ça, quoi. C'est un métier pour toi ? Pour moi, ouais, c'est un métier. D'accord. Parce qu'il faut bien faire la différence entre métier et la vie perso, c'est différent. Bien sûr, pour toi, voilà, c'est... Alors, comment tu définirais ton métier ? Bah, je suis ardeuse. Ouais, mais pour toi... Pour moi, mon métier, en fait, si tu veux, je prends mon pied et... ça permet aux autres de pouvoir fantasmer par rapport à la vidéo et prendre leur pied aussi, quoi, en fait. D'accord. C'est-à-dire que toi, chaque fois que tu fais des films X, tu prends beaucoup de plaisir. Moi, ouais, c'est clair. Pendant tout le tournage, même si ça dure 12 heures. Ouais, même si c'est 12 heures, 6 heures, il n'y a pas de souci pour moi. Hein. Ah bah, mais qu'est-ce qui t'intéresse? En fait, il y a un côté très exhibitionniste chez toi. Pardon? Il y a un côté exhibitionniste chez toi. Oui, bien sûr. Ah bah, Parce que si t'es pas exhibitionniste, tu peux pas faire ce métier, ça c'est clair. D'accord. Alors, la question que tu veux poser, c'est est-ce que tu es une nymphomane? C'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le truc, si tu veux, c'est que en fait, j'ai envie de faire l'amour tout le temps, toute la journée. Ça peut être toute la journée, ça peut être toute la nuit, c'est pareil, quoi, en fait. C'est d'accord. Tout le temps. T'as tout le temps envie de... Et quand as-tu des orgasmes? Des vrais, hein, pas des demi. Je peux en avoir à répétition. En une heure, je peux en avoir 5, 6, 7. Voilà. Wow. C'est effectivement une sexualité, une hypersexualité. Ça s'appelle plus nymphomanie. C'est pas l'hypersexualité. C'est des gens qui ont effectivement un gros appétit sexuel. et qui ne sont surtout jamais satisfaits. C'est ça qui est quand même un peu troublant. Merde. Parce que tu recommences, tu as toujours envie de recommencer. Est-ce que tu as un copain dans la vie ? Oui, j'ai quelqu'un pour l'instant. D'accord. Et donc, quand tu vas faire des films porno, tu as des orgasmes également, tu prends du plaisir, et ça lui fait rien, lui, ça ne le gêne pas. Non, non, ça ne le gêne pas parce qu'il sait très bien que c'est la vie professionnelle, ce n'est pas la vie personnelle. Ah ouais, non, il faut être. Est-ce que tu as les mêmes orgasmes avec lui que dans tes films porno ? Non. C'est, parce que tu l'aimes, c'est différent forcément. Oui, bien sûr que je l'aime. Ça, il n'y a pas de souci. Mais tu veux dire que dans la vie avec lui, dans ta relation d'amour, tu as des orgasmes beaucoup plus importants, beaucoup plus complets que dans les films porno ? Bah, en fait, j'en ai beaucoup moins. Mais quand tu fais l'amour avec ton mec, tu n'as pas l'impression d'être au boulot ? Non, du tout. D'accord. C'est complètement différent. Ouais, ouais, c'est pas la. Et franchement, Eva, t'as pas mal navigué, j'ai l'impression, bourlingué dans ce milieu. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont gêné, qui t'ont même parfois un peu choqué ? Faut tout dire, Eva. Qui m'ont choqué, non. Ah. Non, parce que franchement, en fait, si tu veux, moi, je suis ouverte à tout, donc. Ah oui, open. Donc, par rapport à ça, j'ai pas de souci. All access. Alors, tu pourrais faire l'amour avec n'importe qui ? Ça peut être un homme, une femme, c'est pareil, hein. Mais d'accord, dans les films hard, c'est comme ça pour toi. Ouais, pour moi c'est pareil quoi. Mais enfin, juste, c'est un métier, t'es une star, c'est ça ? T'es une star du porno ? Je dirais pas que je suis une star, hein, mais payé, mon nom payé, il commence à être connu. Combien tu gagnes pour un tournage par exemple pour, c'est des films que tu fais ou des vidéos pour internet ? Généralement c'est plutôt des vidéos pour les VOD. D'accord, ok, vidéo à demande. Et Eva, pour une vidéo comme ça, tu peux toucher combien ? Ça va être quoi ton cachet pour X heures de tournage, par exemple ? Ça dépend, parce qu'en fait, c'est vraiment... C'est à la scène ? C'est à la scène. C'est pas... on compte pas en film. Ça veut dire une scène plus hard va être mieux payée ? Non. Non, non. Mais alors, attends, tu tournes autour du pot, tu gagnes très bien ta vie, moyennement ta vie, ou t'es pas bien payé ? Je dirais plutôt normalement, on va dire. Mais pas énorme, quoi. Non, non, c'est pas des milliers d'essence, ça c'est clair. Trois fois le SMIG. Tu es payé en liquide ? Non, parce qu'il met des préservatifs, j'espère. Oui, les préservatifs, ils sont obligatoires. D'accord. Ça, c'est le truc numéro un, c'est obligatoire. S'il n'y a pas de préservatif, il n'y a pas de tournage. Donc, d'accord. Tu comptes faire ce métier toute ta vie ou tu vas t'arrêter ? Moi, tant que je pourrais le faire, je vais le faire. Bon, bah écoute, Eva, si t'es heureuse comme ça, nous, ça nous va aussi, hein, tu vois. C'est clair. Bah oui, non. Alors, par contre, il va falloir utiliser les capotes Love & Fun. Non, malheureusement, j'en ai pas. Ah ben, on va t'en envoyer alors, d'accord ? Ah ben, ça serait trop top. Ça serait trop gentil. On dit merci qui ? Merci Doc et Karim. Merci Doc et Karim. Ah ben voilà, après le merci Jackie Michel, merci Doc et Karel. Je pense que tu n'es pas obligé de me remercier comme tu le fais pour tes employeurs. Merci Doc et Karel et surtout Doc, bien sûr. Et Karel. On t'embrasse fort, Eva. Tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Salut. Salut Eva. Pas de soucis, merci. Salut. Merci à toi. On nous demande beaucoup si où est-ce qu'on peut retrouver Eva. Vous allez la trouver. Je ne me fais pas de soucis. Jérémy, notre auditeur du soir, va terminer l'émission. Jérémy. Ouais. Salut. Ah, Jérémy, il était tout excité là dans sa chambre. Il était en train de se pougner, je suis sûr. Ouais, je voulais savoir aussi, ce serait possible d'avoir une photo d'Eva ou pas, Paul ? Ah voilà, petite photo. Va sur internet. Tu trouves des vidéos. On va chercher. Alors Jérémy, tu termines l'émission. Vas-y, lâche-toi. Tu dis ce que tu veux. Et bah déjà, de grosses dédicaces à tous mes potes, dédicaces à vous, la famille, vous êtes super géniaux. Et genre, vraiment, mercredi soir à 22h, je vais vraiment être mal parce qu'un été en entier sans vous, ça va être chaud. Ah bah là, c'est musique de fond.